Chapitre 1 du prologue En mer de la fille du pirate. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. À ma mère. Prologue En mer. Chapitre 1. Range à carguer la grand voile! À peine ce commandement fut-il transmis par le porte-voix du capitaine et répété par le sifflet du maître de manœuvre que cinq matelots s'élancèrent sur les échelles de corde. Mais au même moment, une rafale épouvantable enveloppa le brick comme dans une trombe et deux fois successives le courba tribord à bâbord au point que les vagues bondirent par-dessus ses lisses. « Amenez les huniers sur le pont !» cria le capitaine François d'une voix de stentor. L'ordre se perdit dans le fracas de la tempête, et il n'était pas articulé qu'une seconde colonne d'air fondit sur le navire avec la rapidité de la foudre, brisa le perroquet du grand mât, les cacatois du mât de misaine, et emporta les toiles qui restaient dehors. Un mousse, cramponné à l'extrémité d'une vergue, où il s'efforçait de fixer la voile avec les rabans de ferlage, fut enlevé par le tourbillon et tomba à la mer. Cet accident passa inaperçu au milieu de l'anxiété générale. Le vaisseau penchait affreusement sur le côté et menaçait de s'engloutir. « À la barre !» tonna le porte-voix. Le chef de timonerie y était déjà. « Elle ne gouverne plus, capitaine » s'écria-t-il sourdement. « Bas le grand mât !» Cinq minutes après, l'arbre, sapé à sa base, s'abattait avec un horrible craquement. Déjà le brick se relevait, lorsqu'un autre coup de vent faillit le submerger de nouveau. La position était désespérée. Il n'y avait plus à hésiter. Le commandant le comprit. Assis à son banc de car, il avait surveillé avec un sang-froid merveilleux les progrès de l'ouragan, et quand il vit qu'il ne lui restait qu'un moyen de sauver son vaisseau, il n'hésita pas à l'employer. « Rasez tout !» s'écria-t-il. Puis, le bruit cadencé des haches frappant à coups redoublés le pied des deux derniers mâts se joignit au mugissement des éléments en furie, et bientôt le navire flotta au gré des flots. Cependant la tempête se calma peu à peu. On renaissait à l'espérance lorsque, tout à coup, un calier parut sur le pont. « Nous faisons haut !» dit-il au capitaine qui se tenait sur le gaillard d'arrière, debout, immobile, les bras croisés sur la poitrine. « Grille les pompes !» ordonna l'autre. Sans qu'un muscle de sa face bougeât. Où est la voie ? Demanda-t-il ensuite au calier. Dans la soute aux biscuits, trois pieds de bordage en dérive. Tout le monde aux pompes ! Chacun s'empressa d'obéir, et au bout d'une heure, les pompes commencèrent à franchir. Alors les calfats descendirent dans la cale et parvinrent à réparer les principales avaries. Mais la nuit était arrivée, et il fallut remettre au lendemain le soin de s'orienter. Fin du chapitre 1 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 2 de Prologue En mer de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Le brick qui venait, grâce à l'habileté de son capitaine, d'échapper à cette épouvantable tourmente s'appelait l'Alcyon. Parti de Marseille avec un chargement de vin pour la Louisiane, il avait été chassé de sa route par des vents contraires et poussé sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. Il portait une vingtaine de passagers seulement à son bord. L'un de ces passagers, jeune homme de 25 à 28 ans, était fils de l'armateur à qui appartenait l'Alcyon. Son père l'envoyait à la Nouvelle-Orléans pour y établir un comptoir. C'était le dernier enfant de quatre qu'avait eu l'armateur. Deux étaient morts à la fleur de l'âge, un autre, l'aîné, avait disparu dans son adolescence, et jamais depuis on n'en avait eu de nouvelles. On supposait généralement qu'il s'était noyé. Fin du chapitre 2 du prologue, enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en septembre 2010. Chapitre 3 du prologue, En mer, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Pendant la tempête, Charles, sur l'ordre du capitaine, était resté dans la grande cabine. Mais quand le danger eut cessé, il monta sur le pont où il demeura le reste de la nuit en conférence avec les officiers. Le lendemain matin, une voile parut à l'horizon. Cette vue ranima le courage défaillant des malheureux naufragés. Aussitôt, on cessa de travailler à un radeau, dont on avait entrepris la construction, avec des espars et des vergues de rechange, pour établir des signaux. Ils ne furent que trop bien distingués. Une heure s'était à peine écoulée quand un navire silla dans les eaux de l'Alcyon. C'était une longue corvette, noire comme de l'encre, couronnée d'une bande rouge sanglant. Nul pavillon ne flottait à sa drisse, mais des flammes noires ornaient ses cacatois. Le capitaine de l'Alcyon, qui cherchait à reconnaître la corvette, à l'aide de sa longue-vue, fronça soudain les sourcils et frappa du pied. « Qu'y a-t-il donc, monsieur ?» demanda Charles, attribuant ses mouvements à la mauvaise humeur. « Rien de bon, rien de bon. Lieutenant !» Un officier s'approcha. « Voyez, » dit le capitaine en passant la lunette à son second. Dès que celui-ci eut regardé, il pâlit. « Le corbeau » murmura-t-il. « Le corbeau !» répétèrent, en se signant, des matelots qui se trouvaient près du lieutenant. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» dit Charles, frappé de la stupeur qui se peignait sur le visage des assistants. « C'est le corbeau !»« Mais encore, capitaine !»« Allons, il faut nous préparer à mourir. Avoir traversé le grain pour tomber sous la griffe du corbeau mille sabords !»« Mais, » persista le fils de l'armateur, « expliquez-moi au moins de quoi il s'agit. »« Il s'agit, monsieur, » répliqua le vieux marin, « de faire vos dispositions testamentaires. Tenez, voici le corbeau qui croasse, comprenez-vous » Comme le capitaine prononçait ces mots, un éclair illumina les ondes de l'Atlantique, puis une détonation se fit entendre, et deux boulets ramés balayèrent le pont de l'Alcyon. « C'est un corsaire !» s'écria Charles avec impétuosité. « Il faut nous battre. Nous avons des armes et des munitions. » Le capitaine haussa les épaules. « Une embarcation à la mer » ordonna-t-il. Quand le canot eut été mis à flot, le commandant y descendit, accompagné de quatre vigoureux rameurs. « Mais qu'est-ce que cela signifie ? » répétait Charles, étonné d'un incident aussi extraordinaire. « Cela signifie, monsieur, que dans une heure nous servirons probablement de pâture aux requins, » lui répliqua le troisième. « Pourquoi ne pas nous défendre ? Se défendre contre le corbeau ? Examinez un peu cette mâchoire !» Fin du chapitre 3 du prologue. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 4 du prologue En mer de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. La corvette, poussée par une fraîche brise nord-ouest, nageait rapidement, toute voile déferlée, depuis ses royales jusqu'à ses focs et ses bonnettes hautes et basses. C'était un magnifique navire de guerre cambré, svelte, élancé comme un yacht, portant fièrement son encolure et plus fièrement encore ses trois flèches, qui ployaient comme des baleines sous le fardeau de ses toiles gonflées. À la proue, un immense corbeau, les ailes déployées, semblait prêt à fondre sur sa proie. Deux caronades, du plus fort calibre, avançaient leur gueule béante au-dessus de l'envergure aux menaçants volatiles, perchés immédiatement sous le beaupré. Les 20 sabords du corbeau étaient garnis de 20 canons. La gueule de ces 20 canons avait été peinte en rouge, comme la ligne de la précinte. Sur le pont, au pied des mâts, se tenaient des groupes d'hommes armés jusqu'aux dents. Tous étaient vêtus de chemises rouges, à larges collets abattus, bordés d'un filet noir, et de pantalons gris de fer, serrés à la taille par une ceinture de cuir, dans laquelle étaient passés des pistolets, un poignard et une hache à double tranchant. Ils avaient la tête et les bras nus. Au moment où le canot détaché de l'Alcyon approchait du corbeau, ce dernier amenait sa voilure et préparait ses grappins d'abordage. Le capitaine François est là, et peu après son esquif était hissé par les palans du corbeau. Un homme se promenait seul sur la dunette. Il avait la physionomie dure, le visage bronzé, les yeux pleins d'un feu sombre et une épaisse barbe noire. Sa stature était élevée, ses membres noués à des attaches souples, nerveuses, ses mouvements brusques, impérieux. Un chapeau de toile cirée, sans ornement, couvrait son chef, mais sa veste en velours brun, ainsi que son pantalon, de même étoffe, était galonné d'argent. À son côté pendait un sabre turc, et à la main droite, il tenait un porte-voix. Ce personnage paraissait avoir 30 ans environ. Le capitaine de l'Alcyon marcha bravement à lui. « Comment s'appelle ta coquille de noix ?» fit le pirate, avec un accent gascon très prononcé. « L'Alcyon. »« De quoi se compose la cargaison ?»« De vin. » »« Et puis ?»« Des conserves. » »« As-tu des passagers ?»« 20 pour lesquels je suis venu réclamer votre pitié. » Le forban sourit ironiquement. « Où allais-tu ?»« À la Nouvelle-Orléans. Mais le mauvais temps. » « Et tu venais ?»« De Marseille. » « Ah ! De Marseille !» fit l'autre avec une certaine émotion. Ensuite, il se tourna, leva un doigt en l'air, et 4 hommes se jetèrent sur le capitaine François, le terrassèrent et lui garrottèrent les pieds et les poings. Les rameurs qui l'avaient suivi subirent le même sort. Fin du chapitre 4 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 5 du prologue « En mer » de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Déjà le corbeau accostait l'Alcyon. Le premier de ses vaisseaux mit en panne et amarra le second à ses flancs. Les flibustiers se précipitèrent sur leur victime comme des vautours sur un cadavre. Nul parmi les matelots du bâtiment marchand n'osa leur opposer de résistance. La terreur qu'inspirait le nom seul du corbeau avait glacé d'effroi les plus braves. Tous furent liés et transbordés, ainsi que les passagers, à l'exception du fils de l'armateur. Charles, maudissant la lâcheté de ses gens, s'était armé d'une paire de pistolets et, adossé au gouvernail, il menaçait de brûler la cervelle à quiconque tenterait de s'emparer de sa personne. D'abord intimidés par cette attitude déterminée, les forbans reculèrent. Puis ils se ruèrent, comme des furieux, contre l'intrépide jeune homme. Mais celui-ci fit feu de ses 2 coups, et 2 pirates tombèrent. Leurs compagnons poussèrent un cri de vengeance et fondirent en masse sur Charles, qui, sans perdre son sang-froid, s'était emparé d'une barre de cabestan et la faisait voltiger autour de lui avec une redoutable dextérité. Déjà son levier avait mis hors de combat nombre des assaillants, lorsqu'un officier du corbeau, impatienté de cette lutte compromettante pour les siens, épaula une petite carabine, ajusta le fils de l'armateur et lâcha la détente. Atteint au-dessous de l'omoplate, Charles laissa choir la barre de cabestan dont il s'était fait un si formidable auxiliaire et s'affaissa sur le pont. Fin du chapitre 5 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 6 du prologue « En mer » de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Alors commença le pillage de l'Alcyon. Mais tout s'accomplit dans le plus grand ordre. Une discipline de fer courbait la nature sauvage de ces démons à face humaine. La cargaison du navire capturé passa rapidement sur le navire captureur. Ensuite, tous les individus trouvés à bord de l'Alcyon, depuis le capitaine jusqu'au dernier mousse, furent liés 2 à 2 et jetés à la mer avec un boulet de 36 au pied. En accomplissant cette affreuse exécution, les matelots du corbeau ne riaient ni ne gémissaient. Ils étaient calmes, insensibles. Pour eux, ces meurtres n'avaient rien d'odieux. C'était une coutume, un devoir, une nécessité. D'ailleurs, c'était la règle. Chaque fois que le corbeau faisait une prise, et cela arrivait fréquemment, nul ne recevait quartier, et pas un des marins engagés sur les paquebots transatlantiques ne l'ignorait. Aussi la réputation de la corvette noire était-elle en harmonie avec l'épouvante que son équipage inspirait. Ordinairement, le corbeau croisait dans le golfe Saint-Laurent, sur la route d'Europe en Amérique, et, comme disaient les matelots, qui de près l'avait vu, plus ne le revoyait. Fin du chapitre 6 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 7. du prologue « En mer » de « La fille du pirate » par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Il était midi. Le soleil, voilé depuis le matin par de légères brumes, perçait à l'orient. Aux teintes blanchâtres de l'atmosphère succédait peu à peu un azur limpide dont les réverbérations sur la nappe aqueuse se doraient aux tièdes rayons de l'astre du jour. La nature semblait sourire en déployant ses grandeurs célestes et marines. L'homme s'élevait à la contemplation de ce beau spectacle. Rien, à notre avis, ne parle plus éloquemment à l'esprit et au cœur que le tableau du ciel et de la pleine mer. Immensité sous immensité, mystère contre mystère. Où suis-je? Que suis-je? Ces deux questions se pressent sur vos lèvres. Soyez chrétien, musulman, païen, idolâtre, déiste, panthéiste, polythéiste, rationaliste, matérialiste, nihiliste, soyez ce que vous voudrez, si votre vue n'a plus d'autre limite que le firmament et l'eau, vous rougirez de votre petitesse, et un moment, une minute, une seconde, vous douterez. Non. Il n'y a pas de croyance humaine qui résiste à l'infini. Notre nature est trop bornée pour cela. En tout, pour comprendre, pour être fort, il nous faut du tangible, du palpable, du malléable. Nous nous impatientons malgré nous contre ce qui cesse de frapper nos sens. Et cette impatience nous amène à dire avec Montaigne « Que sais-je ?» Puis avec Shakespeare « Suis-je ou ne suis-je pas ?» Fin du chapitre 7 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 8 de prologue En mer de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. La nuit vint. Nuit calme et poétique. À la voûte céleste couraient des petits nuages diaphanes, derrière lesquels la lune mirait son disque argenté. Plus unie qu'une glace était l'océan, réfléchissant, dans sa transparence, la coupole de l'Empyrée. Ô nuit d'amour, de langueur, de volupté! Cependant une masse sombre, informe, se dressait au milieu de l'Atlantique. L'onde clapotait à petit bruit autour, et formait de légères franges d'écume qui allaient en dégradant insensiblement et finissaient par se confondre dans le bleu de la plaine liquide. Cette masse, c'était la carcasse de l'Alcyon. Après avoir dépouillé le brick, les corsaires l'avaient abandonné à la grâce de Dieu. Et toujours l'onde clapotait à petit bruit autour et formait de légères franges d'écume qui allaient en dégradant insensiblement et finissaient par se perdre dans le bleu de la plaine liquide. Tout était morne, silencieux à bord de l'Alcyon. Pauvre navire, si gai la veille, si fringant, si animé. On eût dit d'une tombe placée sur une autre tombe. Mais écoutez, ce n'est pas un murmure des vagues, ce n'est pas un soupir de la brise, pas le cri d'un oiseau de nuit. C'est un gémissement humain. Et toujours l'onde clapote à petit bruit autour de l'Alcyon et forme des franges d'écume neigeuse qui vont se dégradant et finissent par se perdre dans le bleu de la plaine liquide. C'est un gémissement humain. Je croyais pourtant que le corbeau n'avait pas laissé créature vivante à bord de l'Alcyon. Mais le gémissement recommence. Un homme se soulève péniblement près du gouvernail. Il passe la main sur son front. Il interroge ses souvenirs. C'est Charles, c'est le fils de l'armateur marseillais. Et toujours l'onde clapote à petit bruit autour du brick et forme de légères franges d'écume qui vont se dégradant peu à peu et finissent par se fondre dans le bleu de la plaine liquide. Fin du chapitre 8 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 9 du prologue En mer de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Oui, c'était Charles. Notre brave jeune homme n'avait pas été grièvement blessé. À son évanouissement, il devait la vie, car un lambeau de toile étant tombé sur son corps, peu après sa chute, et l'ayant recouvert, les forbans n'avaient plus pris attention à lui. En recouvrant la connaissance, il se sentit très faible, mais, à mesure que ses forces revenaient, sa mémoire se faisait jour. Il se traîna à sa cabine, où par bonheur il trouva quelques provisions négligées par les bandits. Il mangea modérément et retourna se coucher sur le couronnement. Deux jours après, un bateau pilote le recueillait et le transportait à Halifax. Il écrivit aussitôt à son père. La perte successive de plusieurs bâtiments avait ruiné celui-ci, qui répondit qu'il partait pour les Grandes Indes afin d'y tenter fortune. Désormais, Charles était sans ressources. Mais il était plein de force et d'énergie. L'adversité le trouva inébranlable. S'étant rendu à Québec, il y entreprit un petit commerce et se maria avec une Canadienne. Elle était belle et aimante. Durant quelques années, Charles jouit d'une félicité sans nuages. Par malheur, le sort, acharné à sa poursuite, lui ménageait un dernier coup. Sa femme le rendit père et mourut dans les douleurs de l'enfantement. C'en était trop. Charles ne put survivre à son affliction. Bientôt, il suivait son épouse au tombeau et laissait sur cette terre de souffrance une orpheline nommée Angèle. Angèle avait sur l'épaule gauche une tache de rousseur ayant la forme d'un papillon. Fin du chapitre 9 du prologue. Fin du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 1 de la première partie, Le Chartier, de La Fille du Pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Prenez-le à Londres, à Paris, à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, à New York, à Québec ou à Montréal, et le conducteur de voiture publique sera toujours le même, un type unique. Il est à la fois l'être le plus remuant et le plus pacifique de la terre. Sa gaieté est inaltérable, sa docilité à l'épreuve, sa discrétion proverbiale. Causeur par tempérament, il sait se rendre muet comme Harpocrate. Aussi curieux qu'une femme, il compte la prudence parmi ses premières qualités. Observateur pénétrant, sa finesse ne trahit jamais le résultat de ses investigations. Vif jusqu'à l'excès, il est d'une patience angélique s'il le faut. Têtu comme une mule de la Sierra Morena, on ne l'a point encore vu résister aux flatteries d'un louis. Ennemi juré de la police, il est à tu et à toi avec ses agents. Enfin, soit qu'il reste stationnaire, soit qu'il marche, soit qu'il trotte, soit qu'il galope, soit qu'il vole, le conducteur de voiture publique est le factotum de la société. Que de services n'a-t-il pas rendu? Que de services ne rend-il pas et ne rendra-t-il pas? On devrait lui voter des médailles, lui attacher des décorations sur la poitrine, lui ériger des statues. Mais l'humanité est ainsi faite. Elle méprise ceux qui lui sont utiles pour encenser ceux qui lui sont nuisibles. Cependant, perché sur son strapontin, comme un cormoran au sommet d'un rocher, le conducteur de voiture publique regarde onduler la foule à ses pieds et rit sous cape en sifflant un air de sa composition. Car il est poète, il est artiste, notre homme. Voyez-le plutôt. Qui mieux que lui connaît les monuments d'une ville, leur histoire, leur chronique, leur légende? Qui mieux que lui sait la chansonnette en vogue, la toilette à la mode, le livre qui fait fureur? Qui mieux que lui pourrait tirer les effets des causes, les causes des effets? Qu'il daigne ouvrir la bouche et il vous dira où va cette élégante, hermétiquement voilée. D'où revient ce monsieur, enveloppé jusqu'aux yeux dans son cache-nez? Il a pressé les doigts délicats des plus grandes duchesses, causé avec les sommités de la littérature, de la peinture, de la sculpture, de la science, de la diplomatie. Ses connaissances sont universelles, sa mémoire vaut une encyclopédie, son tact est infini. Astronome par nécessité, il vous prédira le beau ou le mauvais temps, comme la fleur des almanachs. Mais, malgré tous ses talents, le conducteur de voitures publiques appartient à la classe des incompris. Ô honte de notre siècle! Cependant, s'il lui prenait fantaisie de parler à cet homme, que de faiblesses n'aurait-il pas à révéler sur votre compte, fiers dames et orgueilleux gentilshommes qui passaient, le dédain aux lèvres, devant son modeste sapin. Grâces au ciel, il est bon, il est charitable, il est miséricordieux, le conducteur de voitures publiques. Il a tout vu, il a tout appris, et comme le dit Dumas, il est l'homme des sociétés vieillies. La civilisation est venue à lui, il s'est laissé faire. Sa moralité est à peu près celle de Bartolo. Passant du composé au simple, de l'entier à la fraction, nous allons, si le lecteur y consent, nous transporter sur la place Notre-Dame, à Montréal, et esquisser en deux traits de plume le conducteur de voitures publiques canadien. Partout ailleurs qu'au Canada, le conducteur de voitures publiques, tout en conservant son cachet primordial, a su marcher avec le progrès. Mais ici, il n'a pas bougé d'une seule ligne. Tandis qu'en Angleterre, en France, etc., il s'aristocratisait, sur les bords du Saint-Laurent, il demeurait fidèle aux traditions de nos aïeux. Aussi se moque-t-il de ses prétentieux confrères d'outre-Atlantique, qui se font appeler « cochers », et n'ambitionne-t-il que l'antique appellation de « charretier ». Ce nom vénérable, il l'aime, il le chérit, il le respecte comme titre de noblesse. Malheur à qui le lui contesterait. Si maintenant nous délaissons encore une fois le champ banal des généralités pour celui des particularités, si nous exilons l'entier pour patronner l'unité, nous vous apprendrons que Pierre Morlaix était charretier de profession, qu'il stationnait d'ordinaire sur la place Notre-Dame, devant l'église, qu'il marquait 26 ans, n'était pas beau garçon, mais possédait en revanche les plus belles bêtes de toute la paroisse de Montréal. C'étaient 2 chevaux baie brun, à la robe soyeuse et luisante, aux longues balsanes blanches, portant haut la tête, trottant vite et menu, pas malins en toutes, comme disait leur maître, et faisant 50 000 sans se fatiguer. Je vous laisse à penser si Pierre Morlaix était vain de son attelage. Vraiment, il fallait le voir assis sur le siège de sa calèche, doublé d'étoffe gaufrée, il fallait le voir brûlant le pavé de la grande rue Saint-Jacques, par un beau jour d'été, il fallait voir avec quelle célérité il vous emportait les parties, le dimanche, à Monkland. Et l'hiver, donc. Ah ! L'hiver était le bon temps de notre ami. Dès que la neige étendait sa nappe de duvet sur la ville et les campagnes, Pierre remisait sa calèche, l'emmaillotait tendrement dans une housse de cuir imperméable et sortait son sleigh. Un superbe traîneau, ma foi, en velours cramoisi et tout drapé de splendides pelleteries qui retombaient jusqu'à terre. Il en avait fait des jaloux, ce sleigh-là. Les charretiers de la place Notre-Dame, de la place Jacques-Cartier, du marché à Foin, se mangeaient-ils la langue chaque fois qu'ils apercevaient sa coque élégante, rasant avec la rapidité d'une locomotive le sol argenté de concrétions cristallines. Dans leur envieuse fureur, quelques-uns n'avaient-ils pas comploté la perte du joli traîneau? Oui, mais Pierre Morlaix était un rude gars. Il avait découvert la conjuration, fustigé d'importance les conspirateurs, et son traîneau jouissait de l'estime publique. À peine arrivé à son poste le matin, il était retenu. Nul n'avait souvenance qu'il fût resté 10 minutes inoccupé. Le samedi soir, on l'assurait pour le lendemain, on se le disputait, et maître Pierre, afin de contenter tout le monde, le mettait généreusement à l'enchère. Alors le traîneau montait, montait, montait. Les têtes s'échauffaient et souvent la location était adjugée sur une offre de 15 $. Pierre faisait claquer sa langue contre son palais. Le gagnant jetait sur ses antagonistes un coup d'œil de défi, et la foule, que ces scènes hebdomadaires ne manquaient jamais d'amasser, battait des mains. Tel était Pierre Morlaix, ses 2 coursiers, Carillon, la Brune et son sleigh, lorsque, par une nuit de janvier 1800, comme le brave Phaéton revenait d'une course dans Griffinton, il fut frappé par cette interpellation significative. « Ohé !» Pierre ralentit l'allure de ses chevaux, se retourna, et à la lueur du réverbère voisin, aperçut un individu, embossé dans un ample manteau, à collet relevé, et coiffé d'un casque, note, tel est le nom que les Canadiens français donnent à leur coiffure d'hiver, fin de la note, en fourrure. « Approche !» fit ce personnage d'un ton bref. Le charretier avança sa voiture près du trottoir et dit « Embarquez !» L'inconnu sauta dans le traîneau, ramena soigneusement sur lui la robe de bœuf, bordée d'une bande écarlate. « Où va-t-on, monsieur ?» demanda Pierre. « Faubourg Québec, et promptement !» Ces mots étaient à peine prononcés que Carillon et la Brune dévoraient l'espace avec la vitesse du vent. Le froid était sec, la neige grinçait sous les patins du sleigh, et des narines des chevaux s'élevait un nuage de vapeur blanchâtre qui tranchait sur les teintes bleues, projetées par le firmament, nacrées de perles étincelantes. « Quelle rue ? » dit Pierre en franchissant la place d'Alousie. « Rue de la Visitation. »« Quel numéro ? » ?»« Marche. Je t'avertirai quand je voudrai descendre. » Habitué aux caprices de ses pratiques, le charretier poursuivit droit son chemin jusqu'à la rue de la Visitation, qu'il enfila trop brusquement, car le traîneau s'accrocha à une borne et se renversa sur le côté. Heureusement, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes, mais Pierre fut lancé au milieu de la voie, ainsi que son voyageur. « Maladroit ! » s'écria celui-ci, en se relevant. « Ne pouvais-tu faire attention ?»« Excusez !» balbutia le conducteur confus, et s'assurant qu'il n'était pas blessé. « Allons, leste ! » dit l'autre, en ramassant sur la neige un objet qu'il avait sans doute laissé échapper, et que Pierre Morlaix crut être un pistolet. Ils reprirent leur place et se remirent en route. Mais au coin de la rue Sainte-Catherine, l'inconnu posa sa main sur l'épaule de Pierre Morlaix. « Voici un louis. Attends-moi ici, tu me ramèneras. » Ce disant, il sautait à terre et disparaissait derrière un pâté de maison. Séduit par la générosité de son passager, afin de nous servir du terme local, Pierre l'attendit patiemment jusqu'au petit jour. À la fin, lassé de fumer des pipes, de s'agiter le corps, les pieds et les bras pour s'échauffer, il résolut de rentrer ses chevaux à leur écurie. Ensuite, avant de se coucher, il voulut nettoyer son traîneau. Mais quelle fut sa surprise de trouver sur le coussin un petit portefeuille de maroquin noir. Pierre l'ouvrit sans scrupule, en marmottant. « C'est ce monsieur qui, sans doute, l'aura oublié. Il ne manquera pas de le réclamer, et on le lui rendra. » Le portefeuille contenait 20 bills de 50 piastres chacun, et un billet, sans adresse et sans signature, ainsi conçu. Il ne tient qu'à vous de vous en assurer, si vous le désirez. Il est chez elle. « Ça ne m'apprend pas grand-chose, » dit le charretier en serrant le portefeuille dans la poche de son capot. Fin du chapitre 1 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 2 de la première partie Le charretier de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2 À l'époque où commence cette histoire, Montréal était loin d'occuper l'étendue qu'il embrasse maintenant. Le faubourg Québec, si peuplé aujourd'hui, ne comptait guère que quelques maisonnettes éparpillées à travers de vastes prairies marécageuses et sillonnés de ruisseaux. Sur l'emplacement du pâté, actuellement borné par les rues Sainte-Catherine et Dorchester, Baudry et de la Visitation, s'élevait une cahute en bois, appuyée contre quelques hangars et chantiers de la plus chétive apparence. Cette cahute n'avait qu'un étage. Autour régnait une galerie délabrée, à laquelle on arrivait par un escalier de 4 marches. Le toit, couvert en bardeaux, se projetait en forme d'auvent au-dessus de la galerie et l'abritait tant bien que mal. Il était surmonté d'une lucarne de moiselle, alors à demi enterrée sous la neige. La façade de la masure donnait au sud. Elle possédait 2 fenêtres et une porte basse, ouverte à l'extrémité gauche, vis-à-vis de l'escalier. Devant cette maison s'étendait la cour, ceintes d'une palissade en souches d'érable, grossièrement empilées les unes sur les autres. Des tas de fumier, revêtus d'une épaisse couche de glace, et un poulailler, composaient les principaux ornements de la cour, où l'on pénétrait par une frêle barrière, retenue avec des liens d'osier, en guise de gonds, et fermant au moyen d'une corde qu'on nouait à une cheville, fichée dans un montant disposé à cet effet. La maison appartenait à une vieille femme. Habitation et habitante jouissaient d'une mauvaise réputation. Dans le voisinage, on n'en parlait qu'avec terreur. Ceux que leurs affaires obligeaient à passer près de la résidence de la mère Guilloux ne manquaient jamais de se signer, et le nom seul de la Maritorne suffisait pour imposer silence aux enfants criards. La mère Guilloux n'avait plus d'âge. On la disait veuve d'un matelot que nul n'avait connu. Quant à elle, c'était une grande femme, sèche, osseuse, d'un aspect repoussant. Son visage ressemblait assez à une peau de parchemin desséchée, plissée, recroquevillée par la chaleur. Pommettes, maxillaires, saillissaient affreusement. Le front était étroit aux tempes, bas, déprimé, en grande partie caché par des mèches de cheveux blancs sales qui s'échappaient d'un bonnet d'indienne dont la couleur primitive avait disparu depuis longtemps sous un triple enduit de graisse. De petits yeux ronds forés en trous de vrille, un nez écrasé, aplati comme par un coup de marteau, une bouche énorme, dépouillée de sa lèvre supérieure et laissant à nu quelques crocs jaunâtres, un menton couturé par une cicatrice cruciale, au bord de laquelle avaient cru des touffes de poils gris, achevait de justifier l'effroi superstitieux que cette hideuse créature répandait autour de sa personne et de sa propriété. D'où venait la mère Guilloux? Problème. 10 ans auparavant, elle s'était installée dans la baraque que nous avons décrite, après l'avoir achetée à un pêcheur, et depuis lors, elle y vivait. Quels étaient ses moyens d'existence? Autre problème aussi insoluble que le premier. Les commères du quartier prétendaient bien que la mère Guilloux entretenait doux commerce d'amitié avec le diable, et qu'elle devait à l'esprit malin les beaux louis d'or que chaque semaine elle échangeait au marché, contre les primeurs de la saison. Mais le diable est ordinairement un pauvre air, plus chargé de conscience que de piastre, et nous doutons que malgré sa prétendue tendresse pour l'âme de la mère Guilloux, il eût été capable de se constituer le banquier pourvoyeur de son estomac. Comment la mère Guilloux employait-elle ses journées? Troisième mystère qu'aucun Œdipe n'avait pu percer. Ce n'est pas qu'on eût tenté d'en déchirer le voile. Dieu merci, à Montréal, aussi bien que partout ailleurs, il ne manque pas de gens plus enclins à soigner les intérêts des voisins que les leurs. La charité est si excellente vertu. Mais, en cette occasion, Madame Charité s'était bourgeoisement cassé le nez. La mère Guilloux, ou la Camarde, comme on l'appelait communément, témoignait peu de goût pour la société. Et les intrépides bienfaitrices qui avaient essayé de porter leur curiosité dans son asile avaient été dûment éconduites par le cerbère du logis, un certain chien-loup malingre, décharné comme sa maîtresse, mais possesseur, au reste, de splendides mâchoires qui auraient émerveillé nos dentistes aux Anores. Ce chien-loup se nommait Hurleur. En été, M. Hurleur gîtait sous la galerie. En hiver, il se promenait flegmatiquement au-dessus. Jamais il ne désertait son poste. Quelqu'un approchait-il trop près de la clôture? Le fidèle portier s'élançait dans la cour, se dressait sur ses pattes de devant contre la barre transversale de la barrière et montrait coquettement à l'audacieux ses dents blanches et aiguës. C'était vraiment un chien modèle. Les Français lui auraient, sans nul doute, décerné le prix Montyon. Moins appréciateur des nobles qualités que les Français, les Canadiens ne tenaient pas notre animal en haute estime. Au contraire, ils lui avaient voué toutes les malédictions imaginables. Un garnement, de la pire espèce, nous aimons à le croire, ne s'était-il pas avisé de vouloir jouer un mauvais tour à ce prototype de la race canine? Mais aussi il avait payé cher sa méchanceté. si cher que, sans l'intervention de la Camarde, Sire Hurleur eut bel et bien dévoré le jeune fou, qui en fut quitte pour une épaule triturée et une demi-douzaine de côtes écorchées. Je vous laisse à penser si cet accident avait causé sensation. On parla de brûler la mère Guilloux, Saturne et son abominable gardien. Mais lorsqu'il fallut mettre le projet à exécution, ce fut, comme au conseil, tenu par les reins. L'un dit « Je n'y vais point, je ne suis pas si sot ». L'autre « Je ne saurais ». Si bien que, sans rien faire, on se quitta. En fin de compte, il fut décidé que le cas serait soumis au constable. Inutile de reproduire les fioritures dont on enjoliva ce grief capital. Titillé par le poivre long de l'anxiété, les langues manœuvrèrent avec une facilité miraculeuse, et Belzébuth sait de combien d'infamies dites et inédites on chargea la veuve du matelot. Le magistrat écouta gravement les rapports des plaignants et promit qu'il opérerait le jour même une visite domiciliaire dans ce repaire de monstruosité. Effectivement, une heure après, il arrivait, accompagné de deux agents subalternes, devant la maison suspecte. Des groupes nombreux s'étaient formés à quelque distance, afin de juger si Satan aurait plus d'égards pour un officier public que pour de simples particuliers. Déjà Hurleur poussait un grognement de sinistre augure lorsque la Camarde parut sur la galerie. À la vue de la police, elle grimaça un sourire qui rehaussa encore la laideur de sa face. Ensuite, rappelant à l'ordre son chien Griffon, elle s'avança à la rencontre du commissaire. « Madame, » commença celui-ci. La mégère l'interrompit en lui présentant un papier qu'elle avait à la main. D'un clin d'œil, le bailli l'eut parcouru, et on remarqua, chose étrange, qu'il s'inclina aussitôt humblement devant la Camarde et enjoignit à ses recors de se retirer. Lui-même ne tarda pas à les rejoindre, en sortant de la cour à reculons. « Ici, permettez-moi de placer une ligne de points d'exclamation pour vous peindre l'ébahissement des spectateurs de cette scène. » Note de la lectrice. Ici, suit une ligne de points d'exclamation. Fin de la note de la lectrice. « Bon, criez-vous, c'était une princesse déguisée. Les salamalecs d'un honorable fonctionnaire de la cité démontrèrent victorieusement que toutes les imputations sur son compte étaient fausses et que ses infirmités méritaient le respect, non les railleries. Ah, que vous appréciez mal nos aimables euménides du faubourg Québec. Quoi ? Vous avez la candeur de supposer qu'elles avaient entassé des montagnes d'hypothèses, sondé toutes les profondeurs de l'enfer, bâti des forteresses de soupçons, interrogé tous les échos du « on dit », échafaudé pièce à pièce le plus formidable édifice d'interprétation connu de mémoire de femme, pour voir tout cela se dissoudre, s'évanouir, s'annihiler comme une vaine fumée, parce qu'il avait plu à un policeman anglais de courber le dos devant une gueuse. Non, non, fille de Bretons et de Normands ne broute guère au râtelier de la crédulité. Ce n'est pas elle qu'on mystifie aisément. Notre-Dame de Bon Secours, pour changer leurs convictions, besoin est d'arguments solides, substantiels, palpables. Essayez de les prendre avec le miel de la politesse ou le vinaigre de la colère. Donc, après l'entrevue de la Camarde avec les agents de la police, Madame Raviot dit à Madame Bouvet « Sainte Vierge, qui aurait cru ça? Notre bailli qui est ensorcelé et tout. En effet, pour le sûr, la vieille chipie y est jetée un sort. Oh, ben, je sens fièrement préservée à cette heure dans Montréal, » ajouta une jeune fille en rajustant sa câline que le vent avait dérangée. « Je gage qu'il est protestant, ce particulier-là. Tout de même que ça se pourrait. Des horreurs! Ils iront traite dans la chaudière bouillante. » Ainsi de suite. Voilà où en étaient la Camarde et sa demeure, quand l'inconnu que Pierre Morlaix débarqua à l'angle des rues de la Visitation et d'Orchester s'approcha de la maison maudite. Fin du chapitre 2 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 3 de la première partie. Le Chartier, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Notre personnage marcha droit à la barrière, détacha la ficelle qui la fermait, en homme accoutumé aux êtres, franchit la cour, donna une caresse au chien Griffon, qui, dérogeant à ses habitudes hostiles, était accouru gambader autour de lui, monta l'escalier et frappa à la porte quatre fois successives et une cinquième après une demi-minute d'intervalle. Des pas ne tardèrent pas à se faire entendre de l'intérieur, puis un triple grincement de verrou, puis la Camarde parut, tenant à la main une chandelle de suif baveuse. « Ah, c'est vous !» dit-elle d'une voix rauque. « Il est bien tard. Nous désespérions. Mike est-il ici ?»« Oui, monsieur. Il est dans le cabinet du fond. Éclairez-moi, Juliette. » Il se trouvait alors dans une vaste cuisine sombre, malpropre, lambrissée de toiles d'araignées et de batteries de cuisine ébréchées ou rouillées. Un grand poêle en fonte occupait le centre de la pièce, dont le plafond était formé de solives grimaçantes et soutenues, çà et là, par des étais à peine équarris. Pour le plancher, il gémissait sous une couverture d'immondices visqueuses et glissantes. En un coin, des figurines de cire, s'efforçant de représenter le tableau de Jésus à la crèche, jaunissaient dans leur châsse de verre fêlé. L'atmosphère de cette cuisine était lourde, écœurante. On y respirait une odeur de boucane et de graillon que justifiaient des chapelets de poissons salés pendus à des crochets et un chaudron dans lequel roussissaient, en grésillant à l'ardeur du feu, de menus morceaux de lard. La vieille prit un trousseau de clefs et se dirigea vers une porte latérale. « Où allez-vous ? » demanda l'inconnu. « Chut ! » fit la Camarde en ouvrant la porte avec précaution. « Est-ce que ce serait déjà fini ?»« Venez, monsieur Larençon. » Ils entrèrent dans une chambre dont l'aspect contrastait étrangement avec celui de la première pièce. C'était passé d'un ignoble taudis dans un riant boudoir. À la vérité, le mot boudoir est peut-être hasardé. Mais en sortant de la cuisine, où tout exaspérait les sens, il était impossible de ne pas être délicieusement impressionné par l'apparence coquette de cette chambre, tendue d'un joli papier rose satiné, à nid d'amour, et de laquelle s'échappait une douce senteur d'iris. L'appartement était petit, petit, mais gentil à plaisir. D'abord, un beau tapis bien chaud, bien moelleux pour reposer les pieds, un plafond bien blanc, bordé de moulures, avec une belle rosace, d'où descendait, par des cordons de soie, une lampe astrale qui projetait des ondes de lumière vaporeuse. Ensuite, c'était une table en acajou, une berceuse, une causeuse en velours orange, une fenêtre garnie de rideaux de brocart drapés en haut sous leurs baguettes de cuivre doré et retenues par des embrasses de même métal, enfin un lit perdu sous les plis de ses amples courtines en soie blanche, semé de bouquets de fleurs. Si la variété des couleurs de cet ameublement n'accusait pas un goût raffiné, leur opposition flattait l'œil et amenait sur les lèvres un sourire de bonne humeur. « Voyez, » dit à voix basse la mère Guillou, en désignant le lit, « elle est là. » Un éclair de joie illumina la prunelle noire de l'étranger. « Quoi ? » dit-il, « Mike a réussi ?»« Admirablement, mais le drôle en l'apportant m'a semblé ivre. » Il voulait la garder avec lui dans le cabinet. J'ai craint, vous comprenez ? Oui, répondit Larençon avec un geste de dégoût. Le misérable en aurait bien été capable. Alors je lui ai dit que, selon vos ordres, elle devait être déposée dans cette chambre jusqu'à votre arrivée. Vous avez bien fait, Juliette. Mais fermez donc la croisée, elle doit être ouverte. Je sens un courant d'air. Un courant d'air ? C'est ma foi vrai. Il doit provenir de la cuisine, car je me suis assurée que le châssis était fermé quand nous eûmes couché la petite. Elle dormait que c'était bonheur à la contempler. Vous voulez la voir ? Sans doute. La Camarde s'avança vers le lit sur la pointe du pied et écarta les rideaux. Mais aussitôt, elle lâcha une exclamation de surprise fort naturelle. « Qu'est-ce ? » s'écria Larençon en regardant par-dessus l'épaule de la vieille. « Envolée ! « Hein ? Elle n'y est plus. Elle est partie. » Que dis-tu, malheureuse ? Fit l'étrange visiteur en la repoussant brutalement. Oh, grâce, grâce, monsieur Larençon ! Balbutia-t-elle d'une voix suppliante. Je vous jure ! Arrière ! À cet instant, un nouvel individu se présenta sur le seuil de l'appartement. Il était affublé de haillons adipeux. Un chapeau râpé, sans forme, une sorte de houppelande, percée au coude, déchiquetée à l'extrémité des manches, sevrée de boutons, serrée à la taille par des lambeaux d'écharpe en laine, un pantalon de droguet troué aux genoux et des mocassins déchirés. Si l'enveloppe de ce personnage était peu attrayante, sa physionomie l'était encore moins. Il n'était guère possible d'imaginer visage plus hideusement laid. On eût dit le miroir de toutes les passions honteuses, une création de William Hogarth. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il en chancelant. « Ah, c'est vous, bourgeois, bon. Vous êtes content. Mais comme ils ont l'air chiffonnés, qu'est-ce qu'elle a la Camarde ? Oh, ne la battez pas. Pif, paf, pan, bateau, comme c'est touché. Attrape, mes amours, bateau. Est-ce que le bourgeois prétendrait... Ouf, il va la tuer, le diable m'emporte. Heureusement qu'il a des gants, le bourgeois. Sans cela, il s'écorcherait les doigts sur cette vieille carcasse déplumée. Tonnerre ! Voilà un coup de poing qui vaut 36 chandelles. Et ce coup de pied ? Il faut tout de même qu'elle soit fièrement dure, la Camarde. Bateau ! Il en pleut aujourd'hui des indulgences. Mais ils vont réveiller. Oh, oh ! Je m'oppose, je m'oppose, je m'oppose, potence ! Là-dessus, notre homme s'élance sur Larençon, qui, emporté par une colère indicible, frappait furieusement la mère Guillou et lui dit « Oui, monsieur !» L'autre se retourna, l'œil étincelant, les traits contractés par l'irritation. « C'est toi, Mike. Est-il vrai que tu l'avais enlevé ?»« Comment si c'est vrai, bourgeois ? Cette satanée sorcière prétendrait-elle le contraire ?»« Tiens, » dit Larençon en le conduisant vers la fenêtre, qui effectivement était ouverte. « Eh bien ?» répliqua Mike, cherchant à comprendre, tandis que la Camarde profitait de cette circonstance pour s'enfuir. « Eh bien, l'affaire est manquée. »« Bateau ! Que le diable m'emporte si je sais !» Notre proie s'est échappée. « Quelle proie ? Qu'as-tu fait ce soir ? Tâche de me répondre correctement, quoique tu sois ivre comme un Polonais. »« ce que j'ai fait, bateau ! Ce que j'ai fait... Oh, j'ai gagné notre procès, bourgeois !» « Oui, mais où est l'enfant ?» Mike courut au lit. « Oh » dit-il d'un ton menaçant, après y avoir jeté un coup d'œil. « La Camarde a voulu manger à ma botte de foin. Un moment, un moment !» Il sortit, et bientôt l'on perçut le bruit d'une violente dispute, ensuite un grand cri. Larençon, étonné, se disposait à rejoindre l'Irlandais lorsque celui-ci rentra. Il tenait à la main un long couteau, dégouttant de sang. C'est réparé, dit-il froidement, en essuyant la lame de l'arme sur la manche de son habit. Mais l'enfant ? Mike parla durant plusieurs minutes à l'oreille de Larençon, et à la fin, ce dernier, dont le visage avait donné des signes de satisfaction visibles, s'écria : Parfait, tu as eu raison. Aussi bien, il était temps d'en finir avec elle. Mais le chien ? Le chien, bateau, c'est juste le chien. Oh, j'ai mon idée, ne vous inquiétez pas. L'Irlandais sortit de nouveau, et Larençon se jeta sur la causeuse, où il demeura près d'une heure plongé dans un abîme de réflexion. Au retour de l'autre, il se leva. Partez le premier, dit Mike, en lui remettant entre les bras un enfant endormi. Le mystérieux personnage examina une seconde la figure de l'enfant, l'enveloppa soigneusement dans son manteau, sauta par la fenêtre et disparut. Mike alors défit le lit, renversa les matelas au milieu de la chambre, éparpilla les feuilles de maïs qui remplissaient la paillasse, saisit la lampe, mit le feu à trois ou quatre places différentes, sauta par la fenêtre et disparut à son tour. L'aurore commençait à poindre. Fin du chapitre 3 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague, en octobre 2010. Chapitre 1 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Numéro 1, 11 heures, rien ne bouge. Numéro 2, 11 heures, rien ne bouge, reprit le deuxième factionnaire. Ce cri, passé de bouche en bouche et répété par toutes les sentinelles, fit le tour de la prison de Montréal. Fin du chapitre 1 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 2 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. La prison de Montréal était un bâtiment situé sur la rue Notre-Dame, presque vis-à-vis de la place Jacques-Cartier et adossé au Champ de Mars. Des murs élevés l'entouraient. De cette prison, aujourd'hui, il ne reste que le pignon nord-est. La partie méridionale a été démolie pour faire place aux constructions du nouveau palais de justice, et il est bien à souhaiter que l'on se hâte de démolir ce pignon, espèce de bicoque qui jure affreusement à côté du plus beau monument public de la métropole canadienne. À l'époque dont nous parlons, la prison de Montréal formait un parallélogramme long, composé de deux étages et d'un rez-de-chaussée. Les deux étages étaient occupés par les simples délinquants, mais le rez-de-chaussée était affecté aux grands criminels. Ceux-ci étaient généralement parqués, deux à deux, dans des cachots vastes et assez bien aérés. Fin du chapitre 2 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en octobre 2010. Chapitre 3 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Si le lecteur consent à pénétrer avec nous dans l'un de ces cachots, au moment où les sentinelles s'envoient le mot d'ordre, il y trouvera deux prisonniers avec qui nous aurons occasion de faire ample connaissance. Malgré leur avancée de la nuit, les captifs ne dorment pas. Bien au contraire, ils sont aux aguets, ils écoutent. Bon. Le factionnaire est rentré dans sa guérite. Donnez-moi la lime, Mike. Et l'individu apostrophé passe à son camarade une petite lime finement trempée. Puis l'on perçoit un léger son, âcre, régulier, monotone, mais qui se confond avec les plaintes des girouettes tournoyant sur leur hampe oxydée. C'est le frottement du métal contre le métal. C'est le grincement de l'acier mordant le fer. Les prisonniers travaillent à leur évasion. Une obscurité complète enveloppe la cellule. Au dehors, il pleut à verse. « Est-ce fait, monsieur Alphonse ?»« Pas encore. Écoutez, on dirait que quelqu'un vient. »« Non, » dit Mike après une minute de pause. « Vous pouvez continuer. »« Fini !» s'écria bientôt Alphonse. « Le barreau est scié, il ne nous reste plus qu'à l'arracher. » Prenons-le par le bras et tirons à nous. Chut, il me semble. En effet, des pas sonores et cadencés résonnaient à quelque distance. La ronde, murmura Mike. Tant mieux, il y aura maintenant moins de danger à craindre. Les pas se rapprochèrent et s'éloignèrent lentement. À l'œuvre maintenant, dit Alphonse. Les prisonniers empoignèrent le barreau à pleine main, et animés de cette énergie fébrile qui décuple les forces dans les positions périlleuses, le décélèrent en deux ou trois secousses. « Ah, nous sommes libres !» dit Mike en bondissant de joie. « Silence, le plus difficile n'est pas fait. Avez-vous des cordes ?»« Voici. »« Sortons. » À cet instant, la sentinelle voisine criait « Numéro 11, 11 heures et demie, rien ne bouge. » Fin du chapitre 3 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en octobre 2010. Chapitre 4 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. La fenêtre du cachot était de niveau avec le sol de la cour, et défendu seulement par une croisée cadenassée, un treillis en fil d'archal, et 6 barreaux de fer. Forcer le cadenas, briser le grillage, n'avait été qu'un jeu pour les prisonniers. On a vu de quelle manière ils s'étaient débarrassés du plus formidable obstacle. Le premier, Mike, se glissa à travers l'étroite ouverture et mit le pied sur le préau. Alphonse le suivit de près. Sans prononcer une parole, l'un et l'autre se dirigèrent vers le mur d'enceinte. Là, ils firent halte et s'assurèrent qu'ils n'avaient pas été remarqués. Le ciel était noir comme l'ébène, et l'espace voilé par les torrents d'une pluie diluvienne. On ne voyait pas à deux pas de soi. « Allons, » dit Alphonse, d'une voix à peine intelligible, « lancez la corde et ne manquez pas le coup, il y va de notre salut. » D'un coup d'œil, Mike mesura la hauteur de la muraille, dont le faîte paraissait faiblement à travers l'opacité des ténèbres, et déroulant une longue corde à nœuds, terminée par un crochet de fer, il saisit ce crochet à l'extrémité et le lança en l'air. Il avait mathématiquement calculé la puissance de sa projection, car le crochet rasa le chaperon du mur et alla se balancer par derrière. Alors, Mike retira doucement sa corde jusqu'à ce qu'il éprouvât de la résistance. L'instrument était ancré au rebord du mur. « À vous !» dit Mike. Alphonse, s'étant cramponné à la corde, commença de grimper. Son compagnon l'imita sur-le-champ. Ils parvinrent heureusement au terme de leur ascension. Déjà, ils s'apprêtaient à descendre lorsqu'un cliquetis d'armes retentit. Mus par un même instinct, les deux fugitifs se couchèrent à plat ventre. « Numéro 1, minuit, tout !» Fin du chapitre 4 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en octobre 2010. Chapitre 5 de la deuxième partie, L'évasion, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Une détonation troubla le silence de la nuit. La sentinelle avait distingué des ombres qui se mouvaient sur le couronnement du mur. Mike poussa une exclamation de douleur et se laissa choir dans l'intérieur de la prison. Se sachant découvert, Alphonse sauta vivement de l'autre côté. Mais l'alarme était donnée. Les factionnaires extérieurs se tenaient sur le qui-vive, tandis que le poste alors établi devant la place Jacques-Cartier se mettait en mouvement. Alphonse était maladroitement tombé et, dans sa chute, s'était blessé à la tête. Par bonheur, toutefois, il ne défaillit point. Se relevant donc avec une agilité incroyable, il traversa le Champ de Mars et gagna la rue Saint-Louis, qu'il longea à toutes jambes. Mais un soldat l'avait aperçu et s'était mis à sa poursuite, ainsi que plusieurs de ses camarades. Le malheureux évadé, comprenant qu'il ne leur échapperait qu'en leur faisant perdre sa trace à travers le dédale de ruelles qui s'enchevêtrent dans le faubourg Québec, enfila d'abord la rue Pertuis, tourna à gauche, et enfin se jeta dans la rue du Loup. Son sang coulait avec abondance, ses forces diminuaient insensiblement. Alphonse se convainquit qu'il ne pourrait aller plus loin. Ses oreilles bourdonnaient, il lui semblait ouïr crier de toutes parts « Arrêtez-le, arrêtez-le !» Éperdu, égaré, fiévreux, le fuyard se précipita dans une allée sombre, ouvrit une porte et s'évanouit presque sur le seuil de l'appartement où il était entré. Fin du chapitre 5 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en octobre 2010. Chapitre 6 de la deuxième partie, L'évasion, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Les mœurs canadiennes ont conservé toute la naïve simplicité des anciennes mœurs françaises. Rien n'a été altéré ou oblitéré. L'Européen qui arrive au Canada se croit transporté parmi les Français d'avant la Révolution de 89. Institutions, coutumes, préjugés sont ici en vigueur comme ils l'étaient sous le règne de Louis XVI. Seule la langue a été adultérée. Il s'y est glissé quelques anglicismes. Mais encore ces adultérations ne sont-elles sensibles que dans les villes. Les campagnes n'ont pas eu à les subir. Les habitants parlent le patois des paysans normands et bien peu entendent l'anglais. Cependant, les mœurs canadiennes l'emportent sur les vieilles mœurs françaises parce qu'elles sont généralisées et non localisées dans telle ou telle classe de la société. En d'autres termes, la même dénomination souvent est affectée aux usages de ce pays. Pour n'en montrer qu'un exemple, nous parlerons de la veillée. Jadis, la veillée était fort à la mode parmi les Français. À cette heure, elle n'est plus guère connue que dans les petits villages éloignés des grandes routes. Dans les villes, on ne connaît que la soirée ou le bal. C'est là ce qui a remplacé la douce veillée, candide, bergère, sans apprêt, sans luxe, sans prétention, la veillée où l'on contait des histoires bien lugubres, où l'on caquetait, où l'on titillait, où l'on filait, où l'on dansait gaiement, et où l'on s'aimait plus avec le cœur qu'avec les lèvres. Le Canada a échappé aux soirées. Vraiment, nous l'en félicitons, et nous souhaitons que toujours il ignore les ridicules et les inconvénients de la soirée. Citadins et villageois, ministres et négociants, Crésus et prolétaires, tout le monde donne des veillées sur les bords du Saint-Laurent. Et c'est plaisir que d'assister à ces charmantes réunions, desquelles ont été bannies l'étiquette, la morgue, le froid décorum et toutes les sottises empesées qui glacent les relations des peuples ultra-civilisés. Lecteur, ce que nous venons d'écrire n'est pas brillant, tant s'en faut. C'est que nous avons pour les réflexions la même horreur que vous, et que notre plume a profité d'une distraction de notre cerveau pour faire des siennes. Pardonnez-lui cette incartade, qui, hélas, ne sera probablement pas la dernière. Fin du chapitre 6 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 7 de la deuxième partie, L'évasion, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Or, il y avait veillé, ce soir-là, chez Pierre Morlaix, demeurant au coin de la rue des Voltigeurs. Pierre Morlaix était le plus riche charretier de Montréal. Il possédait alors deux calèches, trois traîneaux et quatre carrioles. En outre, une douzaine de chevaux de trait, plusieurs lots de terrain et la maison qu'il habitait, rue des Voltigeurs. Jolie maison, ma foi, coquette, pimpante, en briques rouges, striées de filets blancs, au contrevent vert et au toit de zinc, un véritable nid d'amour. Les veilleurs étaient réunis dans la salle. Cette pièce était à peu près la même dans toutes les maisons des ouvriers canadiens à leur aise. Si elle ne se recommande point par le luxe du décor et de l'ameublement, elle est unique pour la propreté. Pas de tentures aux murailles, mais une sorte de grisaille tirant sur le bleu foncé. Pas de tapis pour appuyer le pied, mais un parquet de sapin lavé chaque matin et d'une blancheur immaculée. Pas de plafond lambrissé ou moulé, mais de petites solives bien équarries et supportant le plancher supérieur. Pour des meubles, la salle n'en a guère. À l'exception d'une huche, d'un buffet, d'une table pliante et de quelques chaises d'écorce, je ne sais pas trop ce qui pourrait trouver un encanteur. Note, profession correspondante à celle de commissaire-priseur. Fin de la note. Toutefois, n'omettons pas certains traits caractéristiques. La salle a une cheminée dont la tablette est généralement chargée de pieuses figurines, en cire ou en plâtre, et le manteau orné d'une splendide enluminure, représentant la victoire de Saint-Michel sur le diable, ou la décollation de Saint-Jean-Baptiste, ou le jugement dernier. Souvent aussi, dans des cadres de bois noirci, pendus çà et là, vous remarquez les quatre saisons, où un élégant, frisé, pincé, musqué et paraffant Victor, ou une élégante, haute en couleur, étranglé à la taille comme une guêpe et signant « Louise ». Enfin, au-dessus du buffet, votre œil rencontre invariablement, placés à chaque extrémité, des courges, des citrouilles ou des coloquintes, bref, quelques membres de la famille des cucurbitacées, et, au centre, un pot de fleurs artificielles et plus fréquemment une corbeille de fruits en plâtre, coloriés avec un luxe inouï. Voilà la salle canadienne. Qu'en pensez-vous? Fin du chapitre 7 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 8 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Donc, il y avait veillé chez Pierre Morlaix, demeurant au coin de la rue des Voltigeurs. Et je vous promets que si jamais veillée fut joyeuse, ce fut celle-là. Dieu de Dieu, comme les langues fonctionnaient, de véritables machines à vapeur, quoi, et les pieds et les mains et tout ce qui avait don de vie. Les jeunes gens dansaient, et notre ami Pierre, assis sur la table, les jambes croisées, faisait l'orchestre à lui tout seul. Vaillant orchestre, sur ma parole, quoiqu'il ne se composât que d'un instrument, le violon de maître Pierre. « Et en avant, deux !» criait notre ménétrier, en se trémoussant à droite, à gauche, avec la frénésie d'un artiste consommé. Et les couples s'avançaient, souriant, babillant, rougissant, sautillant, se coudoyant, se poussant, se heurtant. Et il y avait plus de gaieté, plus d'entrain dans ce petit quadrille, exécuté au son d'une musique criarde, discordante, impitoyable, que dans les grands bals où l'on marche, le corps droit comme un i, les bras pendant le long des hanches, les jambes raides, compassées, aux accords d'une musique aride, difficile, savante. Et c'était de joyeuses exclamations, de vives interpellations, de bruyants propos, de frais éclats de rire, et, dominant le tout, la voix de Pierre reprenait « En avant les deux autres !» Puis venaient la gigue, les rilles, les cotillons, et tout cela sur quelques-uns de ces bons vieux airs de la vieille France, airs, à notre goût, 100 fois préférables à la plupart de ces compositions modernes qui n'ont d'autre mérite que de faire ressortir le travail de l'exécutant et de désespérer le danseur. Fin du chapitre 8 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 9 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Pendant que les jeunesses s'ébattaient, les commères causaient, groupées dans un coin. « Tout de même que c'est honteux, pas vrai ?» dit la vieille Madame Morlaix, en piquant son aiguille à tricoter dans ses cheveux. « Oui, en effet, » répliqua Madame Raviot. « C'est pas pour dire, mais la fille au père Sauvageot, porter des bracelets en or vrai, ça sent, hein ?»« Moi d'abord, je vais défendre à notre mari de voir cette coureuse, » ajouta une troisième. « Et que vous aurez raison, Mme Roger, c'est pas pour dire, mais ces créatures-là, hein ? Car enfin, quand on porte des bracelets en or vrai, d'abord elle n'était pas à la messe ce dernier dimanche. »« Peut-être bien qu'elle était malade, » dit une âme plus charitable. « Malade ? Ah oui, je t'en moque, mère Cadet, à preuve qu'elle n'était pas malade. » C'est que je l'ai vu farauder tantôt dans la rue Saint-Jacques. Et moi aussi. Il y avait un original qui la suivait par derrière, c'est pas pour dire. Mais il n'avait pas bonne façon, ce mirliflore-là. Je crée ben, puisque les vues y tout qui y parlait. Si j'avions une gourgandine comme celle-là, moi et mon homme Jésus Sauveur, je saurions la remettre dans la bonne voie, comme dit monsieur le curé. C'est pas pour dire, mais elle n'est pas indifférente, la Victorine. Avec un petit brin de conduite, elle vous aurait trouvé un bon parti. Il y a des parents ben malheureux avec leurs enfants. Le père Roger, qui est un si honnête homme. Et sa femme, la meilleure femme de la ville, une travailleuse s'il y en a une. La coquine, déshonorée de si braves gens. Ah, le monde d'aujourd'hui, n'est pas le monde de notre temps, dites donc, Mame Morlaix. Aurait fallu que nous afficotions comme les créatures d'Astor. Ah ben oui, bonne sainte Anne, j'aurions pas été de la noce. C'est pas pour dire, mais si toutes les filles se conduisaient comme cette chère Angèle. Pour le certain, Mame Roger, qu'Angèle est une fille modèle. C'est sage, sage comme une image. Pauvre petite, ça n'a pourtant ni père ni mère. Et depuis qu'elle peut gagner sa vie, elle n'est à charge à personne, dit la mère Morlaix. Elle est fière, dame. Notre Pierre l'a priée de rester chez nous, mais il n'y a pas eu moyen. Ah, regardez-moi-la un peu danser. Que gentille tournure. Et de l'éducation, c'est pas pour dire. Mais vous l'avez joliment bien élevée, Mame Morlaix. Pour le sûr, je n'avons pas gardé. C'est qu'aussite, elle apprenait comme un ange. Bon, v'là le gros Jacques qui y parle à l'oreille. Je parie qu'il voudrait lui en compter. Fin du chapitre 9 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 10 de la deuxième partie. L'évasion de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. La jeune fille, sur qui venait de tomber la conversation des bonnes dames, répondait en ce moment à une question de son cavalier. « Non, monsieur Jacques, je ne puis consentir. »« Mais, Angèle !»« Une autre que moi regarderait votre prière comme une insulte. Je veux bien vous excuser, mais de grâce, cessez. » « Méchante, vous ne m'aimez pas. »« Non, en vérité, pas ce soir. Fi, monsieur, vous devriez rougir de vos propositions. »« Mais quel mal !»« La pastourelle, à vous. » Jacques, rongeant sa mauvaise humeur, fit quelques pas en avant et retourna prendre sa partenaire pour la conduire à son vis-à-vis. « Décidément, vous refusez ?» lui dit-il. « Décidément, je refuse et vous défends de renouveler vos tentatives, » répliqua-t-elle d'un ton sec. « Vous ne m'aimez pas. » « Soit. » La contredanse était achevée, et minuit sonnait. « Allons, enfant, il est tard, » dit une maman. « Il se fait temps de partir. »« Encore une ronde, » répondit en écho Pierre Morlaix, raclant sur son crin-crin le motif de la ronde. Déjà une gracieuse chaîne, aux anneaux féminins et masculins, s'était bouclée autour de la salle, et 12 gosiers, sonores et mélodieux, disaient « Avant que de nous quitter, il faut chacun contenter, contenter la chose est belle, entrez-y, mademoiselle, faites un tour, alentour, embrassez vos amours. » La versification n'était pas riche, mais ce refrain est si doux, si avenant. Et puis, nos veilleurs se moquaient pas mal de la prosodie. Jacques, à la 11e reprise, pénétra dans le cercle qui, tout aussitôt, tourbillonna vivement autour de lui. « Avant de nous quitter, il faut chacun contenter, contenter, etc. » Le couplet fini, Jacques hésita une seconde. Ses regards parcouraient l'écrin de beauté qui attendait qu'il fixât son choix. Son dépit le poussait à piquer la jalousie de son amante, mais son cœur fut meilleur conseiller, et le jeune homme s'approcha délibérément d'Angèle, à laquelle il dit en la baisant au front, « Me pardonnez-vous ? » « Vous ne le méritez guère. » Fin du chapitre 10 de la deuxième partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 11 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. La veillée était terminée, on se sépara cordialement, le sourire aux lèvres, comme on s'était abordé. Les cavaliers reconduisirent leur belle, et Jacques accompagna son ami jusqu'à la rue du Loup. Là, ils se quittèrent. Angèle s'enfonça dans une allée sombre qui menait à son domicile, et, comme l'obscurité lui causait un certain effroi, elle rentra dans sa chambre en fredonnant. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée, il y a si longtemps que... Mais à ce chant succéda tout à coup un cri d'épouvante. Le pied de la jeune fille avait rencontré un obstacle, et elle était tombée tout de son long, sur un corps humide. Fin du chapitre 11 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 12 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. La peur est le fruit de la surprise soulevée à son plus haut degré. Nul au monde n'est exempt de ce mouvement de l'âme qui stupéfie les sens et désespère la raison. La peur se produit à chaque instant. Les philosophes stoïciens, qui s'exerçaient à l'insensibilité complète, eux qui étaient parvenus à glacer le rire, à dessécher la source des larmes, n'ont pu triompher de la peur. La peur est un des éléments de notre existence, puisque cette existence est un éternel composé d'espoir et de déception. Mais il y a deux sortes de peur, la peur subite, immédiate, instantanée, celle qui grossit les objets, leur donne une puissance ou des formes surnaturelles, anéantit spontanément les fonctions de notre intellect et parfois même les fonctions de notre organisme physique, et la peur qui se glisse dans les actes les plus ordinaires de la vie quand on désire la réussite ou l'insuccès d'une entreprise. Celle-ci est purement mentale. Toutefois, son prolongement peut aussi affecter plus ou moins l'économie animale. Celle-là est plutôt une sensation qu'un sentiment, car elle agit avec une violence extrême sur le corps. Les défaillances, la syncope, l'apoplexie, la folie, la mort en sont souvent les suites funestes. Fait étrange, les choses ou les êtres les plus communs peuvent provoquer la peur chez les plus grands génies. On en a vu s'évanouir à l'aspect d'une araignée, d'une grenouille, d'une souris, etc. Mais ce qui est plus propre à susciter cette passion, comme l'appelle La Fontaine, c'est l'apparition soudaine d'un cadavre. Il est peu de personnes qui, entrant par hasard dans une chambre et se trouvant face à face avec un individu mort, ne reculeront d'épouvante. Cette impression est plus vive encore lorsque l'obscurité nous environne, car la simple obscurité suffit pour engendrer la frayeur. Aussi, chère lectrice, je vous laisse à penser, après vous avoir demandé pardon de la précédente digression, je vous laisse à imaginer si Mademoiselle Angèle se sentit terrifiée en tombant, au milieu d'épaisses ténèbres, sur un corps humide. Fin du chapitre 12 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 13 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. Mais Mademoiselle Angèle était fière, comme nous l'a appris la vieille Madame Morlaix, par conséquent, elle était brave. La première émotion calmée, elle se relève et, quoique toute tremblante, elle court à une petite table où elle a coutume de déposer une boîte phosphorique. Elle allume sa lampe et revient près du corps. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous » s'écria-t-elle en apercevant le sang qui inondait la face d'Alphonse. « Cet homme a été assassiné, au secours !» Mais Angèle n'a pas de voisin, son cri ne trouve pas d'écho. Alors, maîtrisant ses craintes, elle prend son pot à l'eau, une serviette, et, s'agenouillant à côté du blessé, commence de lui laver le visage. Les traits de l'inconnu sont pâles comme ceux d'un mort, ses yeux fermés, ses lèvres décolorées, mais son pouls bat faiblement. La jeune fille conçoit une espérance. Avec un peu de charpie, appliquée sur la plaie, elle arrête l'effusion du sang, puis, saisissant le flacon d'eau de Cologne qui sert à ses ablutions, elle en humecte les lèvres du patient et lui en frotte le front et les narines. Longtemps ses efforts sont inutiles, mais le pouls monte insensiblement, la chaleur ramène le coloris sur les joues de l'évadé, Angèle redouble ses lotions et ses frictions, et enfin Alphonse ouvre à demi les paupières en murmurant « Où suis-je ?» Fin du chapitre 13 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 14 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Le croira-t-on ? Ces trois mots épouvantèrent plus Mademoiselle Angèle que sa chute à son entrée chez elle. Elle recula, timide, palpitante, incapable d'articuler une réponse. Tant qu'elle avait eu affaire à un être inanimé, sa pitié naturelle, cet instinct qui invite toutes les femmes à secourir la faiblesse, avait étouffé ses appréhensions pour guider son cœur et sa main. Mais quand le blessé renaquit à la vie, la position changea. Mille pensées, mille craintes envahirent le cerveau de la jeune fille. Quel était cet homme? D'où venait-il? Comment s'était-il introduit dans son domicile? Si c'était un voleur, un meurtrier, un incendiaire! Cependant, Alphonse fit un mouvement. « J'ai soif, » dit-il, en essayant de se mettre sur son séant. La frayeur d'Angèle augmenta, car elle s'aperçut alors seulement du désordre qui régnait dans la toilette de l'étranger, dont les vêtements déchirés étaient maculés de fange et de sang. « J'ai soif, » répéta Alphonse, qui était parvenu à fixer perpendiculairement son coude au plancher et à placer sa tête dans le creux de sa main. « Donnez-moi à boire !» Sa voix avait des inflexions si suppliantes, si douloureuses, qu'Angèle, se reprochant la pusillanimité qu'elle venait de manifester, s'empressa de lui offrir un verre d'eau. Un regard plein de gratitude la remercia de ce service. Le malade prit le verre, mais ses doigts affaiblis ne purent en supporter le poids, et la gentille infirmière fut obligée de se baisser pour l'aider à porter le vase à ses lèvres. Fin du chapitre 14 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 15 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. L'imagination d'un artiste aurait peine à inventer un tableau plus émouvant que celui-là dont le hasard s'était chargé de poser les personnages et de broyer les couleurs. Pour encadrement, une chambre à demi plongée dans l'ombre. Au premier plan, éclairée par la clarté douteuse d'une lampe, une gracieuse figure d'enfant, resplendissante de fraîcheur et de jeunesse, accroupie devant un homme étendu, la moitié de la face ensevelie dans le clair-obscur, l'autre moitié, blanche, livide, marbrée de taches sanguinolentes, les cheveux luisants, plaqués contre les tempes, lui présente un verre d'eau en soutenant la tête de l'objet de ses soins, avec son bras passé, doux oreiller, autour de son cou. Au second plan apparaît confusément la forme d'un lit caché par des rideaux d'indienne. Il y a, dans le profil de l'homme, quelque chose qui rappelle le visage du Christ dans la descente de croix de Rubens. La jeune fille se montre à nous comme la charité. Le tout a un caractère lugubre et doux à la fois. Si la tête et la posture de l'homme évoquent à l'esprit des idées sinistres, si le frisson court par tous les membres en contemplant cette masse inerte de laquelle le souffle semble près d'expirer, l'attitude de la femme, la compassion pleine d'anxiété rayonnant sur sa physionomie, font souvenir de ces anges que Dieu nous envoie dans nos rêves pour soulager nos misères humaines par la promesse d'une vie meilleure. Fin du chapitre 15 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 16 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16. Alphonse but lentement, puis il attira à lui la main de sa bienfaitrice et la baisa. « Comment vous trouvez-vous maintenant ? » hasarda Angèle, n'osant retirer son bras. L'évadé l'examinait d'un air étonné et reconnaissant. « Souffrez-vous toujours ?» dit la jeune fille en inclinant ses longues paupières. « Je ne sais, je ne sais. Voulez-vous que j'aille chercher un médecin ?»« Un médecin ? Non, non, oh, je vous en conjure. Tenez, pardon, mademoiselle, pardon, je suis mieux. Bien, je vais m'éloigner. » Alphonse tenta en effet de se soulever, mais ses forces lui firent défaut, et sans l'appui d'Angèle, sa tête serait tombée lourdement sur le plancher. « Attendez un moment, » dit-elle, « je cours mander le docteur. »« De grâce, mademoiselle, qui que vous soyez, ayez pitié d'un malheureux, ne me livrez pas à mes bourreaux. » Angèle tressaillit. « À vos bourreaux ?»« Ce soir, je me suis échappée de la prison. »« De la prison, juste ciel !» « Soyez sans inquiétude, mademoiselle. Je ne suis ni un fripon, ni un faussaire. Mais j'avais été incarcérée pour délit politique, et cette nuit, je suis parvenue à briser mes fers. On m'a poursuivie. Traquée par les soldats, blessée, ne sachant où j'allais, ce que je faisais, je me suis jetée dans cette maison. Et, tenez, mademoiselle, entendez-vous ? Oh, entendez-vous ? Ils sont là, dans la rue, là. Ils me cherchent. Ils vont entrer ici. Je suis perdue. Par grâce, pour l'amour de votre mère, mademoiselle, cachez-moi, défendez-moi. Ils viennent, ne les laissez point entrer. » Alphonse ne se trompait pas. Les fantassins, partis à sa piste, rôdaient autour de la demeure d'Angèle, en poussant des vociférations et d'horribles blasphèmes, et, déjà, quelques-uns d'entre eux avaient mis le pied dans l'allée qui précédait la chambre de la jeune fille. Fin du chapitre 16 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 17 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17. Angèle se leva, courut à la porte et la ferma au verrou. Puis, revenant vers Alphonse, « Essayez de vous traîner, » dit-elle. Le jeune homme parvint à se mettre debout et, s'appuyant sur l'épaule de sa protectrice, entra dans un petit cabinet attenant à la chambre. « Restez ici et ne bougez pas, » lui souffla Angèle, qui, aussitôt, retourna dans la pièce principale. On frappait à la porte. Angèle éteignit la lampe et se jeta tout habillée sur son lit. Les coups redoublèrent contre le frêle panneau de pin, et la jeune fille, tremblante, allait essayer de répondre lorsque l'audition du dialogue suivant l'engagea à rester muette. « Que faites-vous là, vous autres ?»« Mais, sergent, on a aperçu le prisonnier de ce côté. »« Est-ce une raison pour troubler l'ordre public ? Allons, décampez. D'ailleurs, on l'a vu il n'y a qu'un instant filer le long du quai. »« Dick prétend qu'il s'est introduit dans cette allée. »« Oui, by God, j'en suis sûr. » « Tenez, regardez, voici des empreintes humides sur le plancher. »« Bast, c'est un soulier de femme. »« Hors d'ici !» cria le premier interlocuteur. « Ok, en avant, marche !» Ce commandement reçut aussitôt son exécution. Le bruit des voix, le son des pas, s'éteignirent peu à peu dans le lointain, et l'on n'entendit plus que les sifflements du vent et le clapotis de la pluie qui tombait sur un sol fangeux. Fin du chapitre 17 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 18 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18. Le départ des soldats détourna le poids qui oppressait la poitrine d'Angèle. Le premier mouvement de son cœur fut un mouvement de reconnaissance au maître de nos destinées. Ensuite, elle sauta à bas de son lit, ralluma la lampe et courut au cabinet. Mais avant de tourner la clé dans la serrure, Angèle s'arrêta. Sa timidité, bannie par l'imminence d'un péril, renaissait escortée de craintes sans objet, de palpitations, d'irrésolution. Toutefois, après quelques pourparlers avec sa raison, la jeune fille se décida à ouvrir. Alphonse s'était assis sur un coffre qui renfermait la plus grande partie des effets de notre héroïne. Ils sont partis. Vous pouvez être tranquille, lui dit-elle d'un air presque embarrassé. Partis, répliqua-t-il. Oh, comment pourrais-je jamais m'acquitter envers vous, mademoiselle ? Angèle balbutia une phrase inintelligible et l'évadé reprit. Partis, ils sont partis. Il faut partir aussi, moi. En disant ces mots, il se dressa et se soutint à la cloison de la pièce. Mais voulant ensuite avancer, ses genoux flageolèrent sous lui, il trébucha et, sans le secours d'Angèle, serait encore tombé à terre. Vous êtes trop faible pour marcher, insinua-t-elle, avec cette douceur persuasive qui rend la voix des femmes si éloquente quand elles désirent une chose. Restez ici. Je ferai un lit dans ce cabinet, et demain matin... Alphonse ne demandait pas mieux que d'obéir. Bientôt Angèle, avec son propre matelas et quelques couvertures, eut confectionné un lit, et prenant goût au métier de garde-malade, elle pansa la blessure de l'échappée, lui fit boire du bouillon chaud, et dit, en le quittant, « Maintenant, monsieur, couchez-vous. Le repos vous fera du bien. Si, par hasard, vous aviez besoin de quelque chose, n'oubliez pas de frapper. » Émue jusqu'aux larmes par les témoignages de cette adorable bienveillance, et ne trouvant pas d'expression pour manifester sa gratitude, Alphonse prit la main de la jeune fille et la porta doucement à ses lèvres. « Oh, merci, merci » murmura-t-il. « La vertu n'est donc pas un vain mot, une affaire d'hypocrisie et d'ostentation. Oh, merci, merci, mademoiselle. Mais, je vous en conjure, dites-moi votre nom, afin que ce nom je le révère comme on révère le nom de sa mère jusqu'au dernier soupir. » « Angèle, » répondit la jeune fille. « Angèle, Dieu inspira votre marraine. » Une demi-heure après, Alphonse dormait d'un sommeil agité, mais Angèle était en proie à une fiévreuse insomnie. Fin du chapitre 18 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 19 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 19. Qu'est-ce que l'amour? Qui pourra me dire ce que c'est que l'amour? Depuis l'origine des choses, on s'est efforcé de définir ce sentiment qui embrase deux êtres de sexe différent d'une flamme souvent inextinguible. L'amour, s'écrient les philosophes cosmogoniques, est le principe de tout. L'amour, affirment les réformateurs, sera la base des sociétés futures. L'amour, chante le poète, c'est le bleu de l'éther. L'amour, prononce l'artiste, c'est l'idéal du beau. L'amour, écrit le psychologiste, c'est de l'égoïsme à deux. Voilà bien des solutions. Laquelle est la vraie? Laquelle est la meilleure? Vous hésitez? Hélas, vous avez raison, car lorsque vous avez interrogé philosophes cosmogoniques, réformateurs, poètes, artistes, psychologistes, vous ressemblez à l'astrologue de La Fontaine. En voulant étudier les astres, vous vous êtes jeté dans un puits. L'amour est donc un phénomène indéfinissable. Nous l'appelons phénomène parce que les étrangetés les plus incroyables, les accouplements les plus disparates, les contrastes les plus choquants, les anomalies les plus révoltantes, naissent de l'amour beaucoup plus souvent que le simple, le naturel et le vraisemblable. C'est surtout en amour que l'observation de Napoléon est juste. On devrait rayer le mot « impossible » du dictionnaire. Pas un de nous qui ne marche en ce monde guidé par le phare de l'amour. Le Safle de Gensu est un monstre. L'homme, engendré par l'amour, vit par et pour l'attraction qui lui donne à l'être. C'est là le signe de sa faiblesse, son péché originel. À la nourrice ses premières affections, à la famille son attachement, ensuite à la femme sa tendresse, aux enfants plus tard ses caprices. Fier, intraitable, cuirassé de dédain, de morgue, d'indépendance pour les indifférents, nous sommes doux, flexibles, timides, esclaves pour ceux que nous aimons. Hercule et Omphale, David et Bethsabée, Samson et Dalila, Holopherne et Judith, les exemples abondent dans l'histoire ancienne. Ils fourmillent dans l'histoire contemporaine. Et qu'on n'imagine pas que cette servitude soit volontaire, Non, l'homme fort répugne à s'humilier même devant ceux qu'il aime. Mais ses intérêts commandent cette soumission, et il plie respectueusement. Ses intérêts, disons-nous, car, abstraction faite des passions, l'homme sent la nécessité de ménager ceux qu'il aime, et il les ménage, moins à cause des qualités qu'il reconnaît en eux qu'à cause du profit qu'il tirera de ces qualités. L'amour égalise les rangs. C'est le grand niveleur chargé de transformer insensiblement la société et d'entretenir cette sève de perfectibilité dont Dieu a déposé quelques gouttes au fond de notre âme, desséchée par le souffle de l'infortune. L'amour, proprement dit, celui qui enflamme à la fois un homme et une femme, cet amour est le plus énergique de tous. Son contrôle sur nous est omnipotent. Et nos efforts pour le repousser, quand il nous enchaîne, ces efforts n'ont, la plupart du temps, d'autre résultat que de river plus solidement les fers dont nous voudrions nous débarrasser. Fruit d'un regard, d'une parole, d'un frôlement de robe, du récit d'une aventure, d'un son, d'un rien, l'amour tombe plus souvent à l'improviste sur le cœur. Parfois, l'explosion est soudaine. Parfois, elle se fait attendre. Mais dans ce cas, le feu couve, brûle sourdement et finit par éclater avec une violence d'autant plus grande qu'il est resté davantage invisible. Alors, comme auparavant, il fait aliment et combustible de tout ce qui devrait l'étouffer. Les obstacles, les déceptions, les rebuffades, les mépris l'attisent, l'espérance le nourrit, l'idéal le grandit, la réalité l'étouffe. On a répété à satiété que le mariage était l'éteignoir de l'amour. Ajoutons, ce que plus d'un penseur a dit ou écrit avant nous, que la possession de l'objet aimé est le cénotaphe de l'amour. Et nous pourrons, à l'instar de maints confrères, nous vanter d'avoir commis bon nombre de lignes, sans utilité pour la science, quoique non sans utilité pour les marchands de papier, ce qui prouve qu'en métaphysique comme en physique, il n'y a rien d'inutile ici-bas. Amen. Fin du chapitre 19 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 20 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20. L'aurore se montra souriante, radieuse. Bientôt un rayon de soleil, aux teintes molles et rosées, vint se tamiser à travers les persiennes de la fenêtre de Mademoiselle Angèle et s'ébattre sur le plancher de sa chambre. La jeune fille se leva et s'approcha du cabinet. Elle frappa timidement, mais sans recevoir de réponse. Après avoir attendu une minute ou deux, Angèle se détermina à entrer. Alphonse était couché. Son corps frissonnait, ses dents s'entrechoquaient. Il avait le visage inondé de sueur, et ses grands yeux ouverts, immobiles, annonçaient l'égarement. Angèle s'approcha et lui prit le bras. « Êtes-vous plus malade ?» Il resta silencieux, sans changer de posture. Son haleine était chaude et bruyante. « Il a la fièvre, une fièvre cérébrale !» murmura la jeune fille. « Mon Dieu, quelle affreuse situation pour tous deux ! Que faire ? Appeler un médecin ? Il n'y faut pas songer. Le garder ici, près de moi ? On s'apercevra de sa présence. Et les soins qui lui manqueront ? Mon Dieu, qui pourra me tirer d'embarras ? Mais... Oh oui, c'est ça, oui, mon bon ami Pierre. Oh, il ne me refusera pas, j'en suis certaine. Allons, je cours chez lui avant qu'il ne soit parti. » En achevant ces mots, Mademoiselle Angèle jeta une mante sur ses épaules et, après avoir enfermé son protégé à double tour, se rendit précipitamment à la rue des Voltigeurs. Fin du chapitre 20 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 21 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 21. Il était 5 heures à peine. Debout sur le seuil de sa porte, Pierre Morlaix fumait une pipe, tandis que sa mère préparait le café. « Ah ah, c'est toi, fillette !» dit le charretier, en voyant Angèle. « Mais quoi, si matinale? Viens-tu déjeuner avec nous? J'aurais à vous parler, répondit-elle à mi-voix. À me parler, à moi? Parle, fillette, parle, je suis tout oreille. Pas ici, on pourrait nous entendre. Oh, oh, c'est donc sérieux? Mais comme te v'la fête, Seigneur Dieu, est-ce que tu serais malade? Non, non, entrons dans la salle. Comme il te plaira, dit le charretier, en frappant sa pipe sur le revers de sa main pour en faire tomber les cendres. Comme il te plaira, fillette. Mais puisque te v'là, tu prendras bien une tasse de café avec nous. Ça n'empêchera pas de déboutonner ton petit cœur. Du tout. Ce que j'ai à vous dire est très pressé. Il n'y a pas un moment à perdre. Pour lors, j'écoute. Ils étaient dans la chambre. Angèle narra brièvement au charretier ce qui lui était arrivé depuis son retour chez elle. On s'imagine aisément la surprise du brave Pierre en entendant un pareil récit. Il poussait des exclamations, lançait fort ce « bateau, tonnerre !» et épuisait toutes les interjections que lui fournissait son vocabulaire admiratif. « Eh bien, dit Angèle en terminant, il faut aviser. »« Diable, oui, il faut aviser, répondit le charretier, se grattant le front suivant son habitude lorsqu'il était contrarié. Nous ne pouvons songer à rendre ce pauvre jeune homme aux gens de police. Aux gens de police? Le rendre aux gens de police? Que non, que non! Rendre un Canadien à ces brigands de policemen? J'aimerais mieux être pendu en haut du clocher de l'English Church. Oui, dit en souriant Angèle, je sais que vous n'aimez pas énormément les hommes de police. Mais cela... Bon, bon, j'y suis. Attends, je vais dire un mot à la mère, puis atteler mes chevaux à la calèche couverte, et si ce particulier est ce qu'il prétend être, nous le garderons caché ici, où il ne manquera de rien. Excellent ami! Oh, que je vous embrasse! S'écria Angèle, dans un élan de reconnaissance qui prouvait que son cœur... Mesdames nos lectrices, veuillez nous excuser. Une médisance, peut-être bien une calomnie, allait glisser de notre plume, quand heureusement nous nous sommes aperçus qu'il était temps de finir ce chapitre. Fin du chapitre 21 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 22 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22. Et Pierre courut à l'écurie, atteler ses meilleurs chevaux, les rejetons de Carillon et la Brune, deux maîtresses bêtes dans leur temps, mais, hélas, descendues de vie à trépas depuis une dizaine d'années, à sa calèche couverte. Note. Les Canadiens appellent calèche une voiture à un seul cheval, montée sur des roues fort élevées. Fin de la note. Tandis que la vieille Madame Morlaix disait à Angèle « Mais qu'est-ce qu'il y a donc, mon enfant? Jésus Seigneur, comme tu sembles tout ahuri! Et notre Pierre qui est sans devant d'arrière et tout, t'pique t'es entré. » La jeune fille s'empressa de conter à la veuve ce qui lui était survenu. « Ce pauvre cher garçon !» s'écria la mère Morlaix. « Est-il bien sévèrement blessé ?»« J'espère que ce ne sera rien. Quelques jours de repos. Crées-tu ? Dame ! Mais encore, que tournura-t-il ? T'parait-il bien comme il faut ? C'est terrible ! Mon divin sauveur, une aventure comme celle-là ! Qu'est-ce qui aurait jamais imaginé, mon enfant ? Tout de même que le monde d'aujourd'hui est un drôle de monde. Mais est-il jeune, est-il vieux ? Car enfin, c'est bien curieux que cette histoire-là. Comment tu l'appelles ? J'ignore son nom, répondit Angèle, trop occupée par le tourbillon d'idées qui roulait dans son cerveau pour accorder une constante attention à la loquacité de la bonne vieille. Fin du chapitre 22 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 23 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 23. En ce moment, un individu entra dans la salle en s'écriant familièrement « Bonjour, Mme Morlaix et la compagnie !» C'était Jacques, le cavalier qui, la veille, avait reconduit Angèle à sa demeure. Celle-ci frémit involontairement. « Bonjour, mademoiselle, » ajouta-t-il ensuite, en s'inclinant devant la jeune fille. « Vous êtes aussi matinale que l'aurore, et je suis enchantée de voir que notre veillée n'a pas flétri les roses de votre teint. » Maître Jacques débita ce madrigal comme un perroquet qui puise ses inspirations dans sa mémoire et qui est enchanté de saisir l'occasion de produire ses connaissances. Un coup d'œil à notre héroïne et une seconde de réflexion l'eussent convaincu qu'il fallait changer la gamme de sa formule complimenteuse. « Vous êtes bien aimable, monsieur Jacques, » murmura Angèle, maudissant dans le fond de son cœur l'arrivée de l'intrus. « L'amabilité, mademoiselle, est le fruit de votre présence. » « Et la flatterie, monsieur, le fruit de vos lèvres, » répliqua la jeune fille, en ébauchant un sourire contraint. « Ah ben, où'sque tu t'en vas donc comme ça, mon gars ?» intervint madame Morlaix, pour couper court à ce dialogue. « À la pointe aux trembles. Pourquoi faire ?»« Oh, rien de bien particulier. Je suis riche, vous savez, et n'ai pas besoin de me fouler la rate. »« C'est vrai, ça. T'es riche, toi, Jacques. Ton père a de beaux biens. »« Hé hé, oui, tout de même. » dit le jeune homme en se rengorgeant dans sa cravate. « Celle qui voudra me marier sera joliment heureuse, hein, Mme Morlaix ?»« Pour le sûr, elle ne manquera pas de butin. Seigneur Dieu, y en a-t-il du butin chez vous ?»« Vous l'avez dit, Mme Morlaix, et quand Mlle Angèle voudra ?»« Au revoir, Monsieur Jacques, » dit cette dernière en se dirigeant vers la porte. « Est-ce que ma proposition... »« Je vais à mon magasin. »« À votre magasin, déjà ? Mais il n'est pas même 6 heures. » Oh, j'ai de l'ouvrage très pressé. Permettez-moi de vous accompagner. Non, non, merci de votre obligeance. Au revoir. Et la jeune fille sortit aussitôt, laissant son amoureux tout stupéfait de cette brusque retraite. Fin du chapitre 23 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 24 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 24. Jacques Bourgeot était un gros garçon de 24 ans, joufflu, imberbe et fortement enclin à l'embonpoint. Il avait les cheveux d'un blond ardent, le front bas, inexpressif, les yeux petits, d'un gris terne, le nez gros, le visage rond, le col épais, les épaules larges, les membres courts et charnus. Rien dans sa physionomie n'indiquait l'intelligence. Tout, au contraire, annonçait un esprit lourd, comme la carapace qui l'enveloppait et dont les fonctions devaient se borner à des actes corporels. À la vue de cet homme, un disciple de Swedenborg n'aurait pas manqué de dire « Voilà une création humaine incomplète !» Jamais l'être intérieur n'a réussi et ne réussira à triompher de l'être extérieur. L'ange qui est en nous ne saurait vivre derrière cette forteresse d'animalité. Toutes les énergies de l'individu doivent être employées au jeu des sens externes, au lieu de sustenter les fluides intellectuels, et le dualisme, principe de notre infinie perfectibilité, doit être paralysé par la matérialisation de toutes les essences spirituelles. Un partisan de Galle eut trouvé, sur son crâne, la bosse de la secrétivité, et un apôtre de l'avatère eut distingué sur son visage des signes non équivoques d'égoïsme. Disons-le à l'honneur de la science, physiognomoniste, phrénologiste et spiritualiste ne se seraient pas trompés. Jacques Bourgeot possédait malheureusement, à un haut degré, toutes les imperfections diagnostiquées par son aspect physique. Incapable d'une pensée originale, dissimulé, vaniteux, ne recevant d'impression que par l'épiderme, il était complètement étranger aux jouissances des nobles sentiments. Son beau-père, ancien commerçant, retiré des affaires depuis quelques années, avait essayé de lui donner une instruction en rapport avec sa fortune. Mais Jacques résista à toutes les tentatives des professeurs pour lui enseigner les premiers éléments des langues françaises, anglaises et latine. Il sortit du collège, comme il y était entré, sachant lire et écrire. Cependant, il avait complété son cours d'études, sa famille n'en demandait pas davantage. L'orgueil maternel se trouva pleinement satisfait quand le jeune crétin demanda la permission de voyager en Europe pour achever de se former. Cette demande fut considérée comme une preuve d'esprit si extraordinaire que l'ex-négociant, quoiqu'il fût avare et aimât peu le fils de sa femme, accorda à celui-ci un crédit chez un banquier de Londres, et Jacques partit immédiatement. Après une absence de 18 mois, et après avoir gaspillé 1200 louis, notre touriste revint, rapportant de ses pérégrinations une plantureuse cargaison de suffisance, des pantalons à la dernière mode de Paris, des gilets et des faux-cols suivant le plus mauvais goût de Hyde Park, mais pas une bribe de connaissance. À ceux qui l'interrogèrent sur la Grande-Bretagne, il répondit que c'était un pays ennuyeux. Par contre, la France lui avait semblé fort amusante. Et, à une personne qui lui vantait les monuments de Rome, il répliqua « Oui, c'est bien beau, quand on sait l'italien. » Néanmoins, les toilettes de Jacques obtinrent quelques succès. Lancé dans le monde sous le patronage de grandes espérances pécuniaires, notre jeune homme se vit courtisé par les mamans qui avaient des filles à marier. Mais à mesure qu'on découvrit l'inanité de son cerveau, le cercle qui s'était arrondi autour de l'opulent bourgeot se rétrécit et, un jour, il se trouva aussi isolé que le plus chétif étudiant en droit de sa ville natale. C'est alors qu'il lia connaissance avec Angèle. Un incident assez vulgaire amena cette liaison. Certains soirs d'hiver, la jeune fille, revenant de l'atelier de couture où elle était employée, fut attaquée au coin de la rue Montcalm par un soldat ivre. La nuit était noire, le quartier silencieux. Le militaire crut que l'heure et le lieu étaient propices pour accomplir un détestable projet, mais la victime se débattit vigoureusement en appelant au secours. Jacques, qui rôdait aux environs, accourut à ses cris, et l'agresseur, en apercevant un témoin de sa brutalité, prit sur-le-champ la fuite. Le résultat de cette délivrance est facile à comprendre. Jacques sollicita et obtint la faveur d'escorter jusqu'à domicile sa belle protégée. En la quittant, il sollicita et obtint encore la faveur de rendre quelques visites, et, à peine un mois s'était-il écoulé depuis cet événement, qu'il jurait à Angèle de l'aimer toute sa vie. La jeune fille avait prévu la déclaration, car une femme n'ignore jamais les sentiments qu'elle inspire. Mais, quoique la fortune de Jacques eût pu la séduire, elle ne lui fit aucune promesse. Toutefois, imprudente, comme on l'est à son âge, et s'imaginant que la gratitude lui imposait des obligations envers l'homme qui l'avait arrachée aux violences d'un ivrogne, Angèle se plut à attiser la flamme qu'elle avait allumée. Aussi, timide à son origine, l'amour de bourgeot, s'irritant de la retenue de celle qui en était l'objet, et s'alimentant des lueurs d'espérance que parfois elle lui laissait entrevoir, devint-il promptement une passion impérieuse et tyrannique. Certes, cette passion n'avait pas le caractère pur et sacré des grandes affections. C'était un instinct ardent, irrésistible, capable d'opérer des prodiges pour être payé de retour, et capable, en même temps, des plus noirs forfaits pour arriver à la possession de ce qu'il convoitait. Angèle ne se doutait guère des dangers de sa position, dont elle aggravait sans cesse les périls. En sa présence, Jacques se montrait souple, respectueux, humble, plein d'égards et d'obséquiosité, et l'imprévoyant enfant jouait avec lui comme une colombe sur les filets de l'oiseleur. Mais si elle eût observé son amant, lorsque, par hasard, elle adressait la parole à un autre homme, si elle l'eût suivi dans sa chambre, après une de ces bouderies qui lui étaient familières, Angèle aurait été épouvantée de l'exaspération dans laquelle entrait, tout à coup, le cavalier qui lui paraissait si doux et si « bonasse », comme elle le qualifiait. Les principaux traits de Jacques Bourgeot sont, ce nous semble, suffisamment accentués à présent, pour que nous le ramenions sur le théâtre de l'action. Fin du chapitre 24 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 25 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 25. Mademoiselle Angèle est bien pressée ce matin, dit Jacques, tandis que la mère Morlaix achevait de parer le déjeuner sur la table. « Dame, mon garçon, quand on a de l'ouvrage, Angèle n'a pas le loisir de faire la paresseuse, cette chère petite fille du bon Dieu. »« Il ne tiendrait qu'à elle, pourtant, si elle voulait, » reprit le jeune homme. « Ah ben oui, crées-tu ? » ?»« Tiens, voilà bien Pierre qui s'en va aussi, » s'écria Jacques, en distinguant par la fenêtre le charretier qui passait avec sa calèche. « Oui, on l'a engagé hier soir, à la place Jacques Cartier. »« À la place Jacques Cartier. Mais il prend le chemin de la barrière. »« Peut-être bien son bourgeois l'aura envoyé de ce côté, » répondit la vieille un peu déconcertée. « Sa voiture est vide. »« Que veux-tu que je te dise? Mais de quoi est-ce que tu t'inquiètes, mon garçon ?»« Vous avez raison, » reprit Jacques. « Mais je pensais que Pierre pourrait me conduire à la pointe aux Trembles. C'est pourquoi j'étais venu. »« Ah, c'est-il pas de valeur ? Lui qui est retenu pour toute la journée. Ça me contrarie, dit Jacques en ouvrant la porte. Je vais être obligé de faire la route à pied. Et il sortit aussitôt. Mais, au lieu de suivre la rue Sainte-Marie, il tourna à gauche et machinalement se dirigea vers la maison qu'habitait Angèle. Une voiture stationnait devant l'allée. Bourgeot reconnut le cheval de Pierre Morlaix. Cette découverte, si naturelle en apparence, fit jaillir un soupçon dans son cœur. Se postant derrière une pile de bois de construction, de façon à voir sans être vu, l'amant d'Angèle se mit à observer. Il n'attendit pas longtemps. Pierre déboucha de l'allée, portant sur ses épaules un paquet, enveloppé dans une couverture. Angèle le suivait par derrière. Elle monta dans la calèche, aida le charretier à déposer le fardeau sur les coussins. Ensuite, Pierre s'élança sur son siège et l'équipage partit au grand trot. Les soupçons de Jacques Bourgeot grandirent. Il courut à la poursuite de la calèche et la rejoignit à l'instant où elle disparaissait sous un hangar attenant à la demeure de Pierre Morlaix. « Que signifie cela ? » pensa l'amant d'Angèle. « Se moquerait-on de moi ? Ah bien, je saurai dévoiler ce mystère. » Fin du chapitre 25 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 1 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Alphonse Maigret naquit à Québec, dans une honnête famille d'artisans. De bonne heure, il manifesta un goût prononcé pour l'étude et une rectitude d'esprit qui faisait l'admiration de ceux qui le connaissaient. Alphonse avait à peine atteint sa sixième année quand il trouva par hasard un portefeuille contenant des valeurs en effet de banque pour une somme considérable. Le nom du propriétaire était gravé sur la couverture. Sans rentrer à la maison paternelle et sans consulter personne, le jeune enfant se rendit au domicile de celui qui avait perdu le précieux objet et le lui remit entre les mains. C'était M. Huot, un des principaux notaires de la ville. « Cher petit, » dit-il à Alphonse en l'embrassant, « tu me sauves la vie. Ce portefeuille renferme des papiers de la plus haute importance. Je te dois une reconnaissance éternelle. Demande-moi ce que tu voudras et tu l'obtiendras. »« Merci, monsieur, » répondit-il simplement. « J'ai fait mon devoir. » « Je ne mérite rien. » Surpris de cette réplique, qui annonçait à la fois une intelligence précoce et une probité rare, le notaire questionna l'enfant sur ses parents et le congédia après une heure de conversation en lui promettant de s'occuper de son sort. Fin du chapitre 1 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 2 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Monsieur Huot était un homme bon et vertueux. Il aimait à obliger ses semblables. Aussi tint-il parole. S'étant assuré que le père d'Alphonse jouissait de l'estime publique, il prit ce dernier à sa charge et l'envoya au collège. L'adolescent réalisa toutes les espérances qu'avait fait concevoir l'enfant. Ses progrès furent rapides, et chaque année il enleva une moisson de lauriers. Mais à l'inverse de la plupart des écoliers que les succès bouffissent d'un sot orgueil, Alphonse ne se laissa point enivrer par les louanges dont chacun se plaisait à l'accabler. La solidité de son jugement, la droiture de son imagination, ne se démentirent jamais. Pour ses condisciples, il fut toujours un compagnon aimable, serviable, généreux. Pour ses maîtres, il fut un élève laborieux, perspicace, doux et docile. Pour son protecteur, il fut un garçon plein de nobles qualités, et pour ses parents un fils excellent, d'une humeur égale et d'une exquise délicatesse de caractère. Grâce à ses dispositions naturelles, Alphonse s'était donc concilié l'amour de tout le monde lorsque le notaire vint à décéder. À cette époque, le jeune homme avait 18 ans. Il travaillait à se faire recevoir avocat. La mort soudaine de celui qui l'avait poussé dans la carrière de la science l'affecta douloureusement. Cette mort lui arrachait un guide sûr et un ami éclairé. Cependant, quoique sans ressources pécuniaires, il poursuivit vaillamment ses études. Afin de subvenir à ses besoins, il fit des traductions pour les marchands, copia des dossiers pour les jurisconsultes et donna des leçons de français et d'anglais, car il possédait également ces deux langues. Mais un nouveau malheur ne tarda pas à l'assaillir. Son père, charpentier de profession, se tua en tombant d'un échafaud. Alphonse restait seul pour soutenir une vieille mère infirme et plusieurs frères et sœurs en bas âge. Fin du chapitre 2 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 3 de la troisième partie. Angèle et Alphonse. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Aussitôt, la vocation du digne jeune homme fut changée. Il fallait du pain à sa famille, il résolut de lui en donner, dut cette détermination briser à jamais le magnifique avenir auquel lui donnait droit de prétendre ses talents et ses brillantes qualités. Dans son enfance, aux heures de récréation, il avait appris en jouant à manier la cognée et la bésaiguë. Il n'hésita point à se consacrer à un métier qui procurerait la subsistance à sa pauvre mère. Un ancien ami de M. Maigret lui enseigna le tour du métier et, au bout d'un mois d'apprentissage, Alphonse, employé, sur le port de Québec, à la construction des navires, gagnait 6 shillings par jour. Le premier et le dernier à l'ouvrage, notre charpentier trouvait encore, pendant la nuit, le temps d'approfondir ferrière, cujas, potier, etc., et de s'initier à l'art de la mécanique. Fin du chapitre 3 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 4 de la troisième partie. Angèle et Alphonse. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Souvent, Alphonse Maigret avait gémi sur la révoltante inégalité des classes. La vue de la richesse crevant d'apoplexie à côté de la misère s'étiolant dans le marasme et la phtisie navrait son cœur d'une indicible tristesse. Il était trop grand pour envelopper l'humanité dans une orgueilleuse malédiction, mais trop courageux aussi pour ne pas chercher un remède aux maux dont l'aspect affligeait son âme. La politique coloniale anglaise, cauteleuse et oppressive alors, lui parut détestable. Tous les efforts d'Alphonse tendirent à combattre son influence. Mais à mesure qu'il avança dans ses recherches sur le droit naturel des gens et sur les rapports des membres d'une communauté entre eux, Alphonse comprit l'immense action des formes gouvernementales et se créa un système organisateur que n'auraient pas désapprouvé les réformateurs modernes. Ce système peut être résumé par quelques aphorismes. La terre est le principe de toute chose. Tous les hommes doivent avoir part à ses bienfaits. Donc, la terre ne doit point être le partage exclusif de quelques-uns, donc la terre doit être affranchie, donc, enfin, la tenure seigneuriale doit être abolie. Note, le système féodal n'a été aboli au Canada qu'en 1855. Fin de la note. Tous les hommes sont égaux devant la nature, donc ils doivent être égaux devant la loi. Le peuple est souverain, il dispose de tout parce qu'il peut tout. Donc il a le droit de nommer et de révoquer ses législateurs, donc la noblesse héréditaire doit être supprimée. Toutes les fractions d'un état social quelconque doivent travailler à équilibrer l'entier et tous les états sociaux à équilibrer l'humanité. Donc, chacun de nous doit travailler dans sa sphère, à l'égalité des conditions, au nivellement des castes. Pour instrument de ce travail, nous avons le progrès. Le progrès, c'est la manne donnée au peuple. Le désir du progrès révèle un esprit magnanime, car le progrès est le fils aîné de la vertu. Le progrès, c'est l'acheminement vers la perfection. La perfection, c'est Dieu. Le progrès, c'est la réflexion de la lumière spirituelle sur tous les actes physiques ou moraux. Vouloir le progrès, c'est vouloir la radiation du mot « égoïsme », puisque c'est vouloir une commune participation au bénéfice de l'intelligence. Vouloir le progrès, c'est vouloir la radiation du vieux primo mihi, puisque c'est vouloir une commune participation au bénéfice de la vie matérielle. Le progrès, c'est l'égalité, la fraternité. C'est la mise en pratique de la plus belle des vertus théologales. Point de progrès si les masses ne prennent part à ce sacrement qu'on nomme science, ici, dans ce palais. Nourriture animale, là-bas, dans cette mansarde. Le progrès appartient à tout le monde. C'est un lot commun. Chacun a donc le droit de venir s'asseoir à sa sainte table. À cette table, il n'y a pas d'amphitryon, pas de parasites, mais il y a des frères commensaux. Le progrès compose l'air hygiénique que nous respirons. Il nous pénètre par tous les pores, dans une atmosphère vraiment démocratique. Le simoun de l'absolutisme dessèche son fluide prophylactique et vivificateur. Le progrès fleurit au sein de la démocratie, il s'étiole et s'alanguit sous le souffle pestilentiel de la tyrannie. L'homme doit sans cesse aspirer à la liberté complète ou au pouvoir d'exercer à son gré toutes ses facultés avec les droits d'autrui pour borne et sa conscience pour règle. La liberté complète, c'est la liberté religieuse, la liberté d'enseignement, la liberté de conscience, la liberté de la parole, la liberté de la presse, la liberté d'industrie, la liberté individuelle. Il viendra un temps où l'homme ne relèvera que de l'opinion de ses semblables. Alors, il n'y aura plus de loi prohibitive. C'est ainsi que j'interprète la parole de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Fin du chapitre 4 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 5 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Ses idées philosophiques étaient au niveau de ses théories politiques. Par exemple, comme un de nos plus profonds penseurs, il disait, en parlant des destinées de l'humanité, « L'homme est né pour être libre, intelligent et bon. » Par son intelligence, l'homme marche à la vérité. Par sa liberté, l'homme aspire au bonheur. Par sa bonté, l'homme veut la justice. Vérité, bonheur, justice, voilà les éléments de la destinée humaine. La vérité et la justice sont la route, le bonheur et le but. Mais pourquoi faut de souffrances, d'injustices et d'erreurs dans le monde si l'homme veut la vérité, la justice, le bonheur? C'est que primitivement l'ignorance était la condition de l'homme et de la société, et c'est de cette ignorance que sont sortis les fléaux qui nous accablent, l'égoïsme, la misère, les fausses doctrines, les lois injustes, etc., etc. Et ce sont ces fléaux qui ont perverti l'homme et l'ont condamné à d'horribles souffrances. Mais une espérance immortelle le soutient. La souffrance même force l'humanité à développer les ressources de sa nature. Sous l'aiguillon de la nécessité, le travail féconde la terre, crée l'industrie et les richesses, l'étude mûrit la raison de l'homme, anéantit successivement toute superstition, tout préjugé, toute erreur. Sur les ruines des sociétés subversives s'élèvent des sociétés moins injustes. L'humanité prend possession de sa puissance et déchire le voile qui lui cachait sa véritable destinée. Fin du chapitre 5 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 6 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Pavé de politique jusqu'aux pages d'une nouvelle, c'est dépasser les bornes des respects qu'on vous doit, n'est-ce pas, mesdames? Oh, les feuilletonistes ont d'abominables lubies, j'en conviens. Tout aussi bien que les publicistes, il faudrait les accrocher à la lanterne. Mais que voulez-vous? Chacun a ses petits défauts, nous comme vous, chère lectrice. Gracieux chez votre sexe, ces défauts sont grossiers chez le nôtre. Qui est coupable? Pas vous, assurément. Imaginez-vous que nous le soyons davantage? Cependant, il existe un criminel. Si nous le cherchions, ce méchant, cet esprit du mal qui agace nos muscles, irrite nos nerfs, aigrit notre voix, exaspère nos doigts, met du feu sous nos pieds, de la lave dans notre corps, des épingles sur le coussin de notre fauteuil, des tisons ardents dans notre cerveau. Ah oui, si nous le cherchions. Voyons, où est-il? Qu'on nous le montre. Où se cache-t-il? Qu'on nous l'apporte, cet assassin, ce meurtrier, cet iconoclaste, ce déchireur de gazettes, ce rongeur de livres, ce... Mesdames, placez-vous la main sur le cœur et vous le sentirez palpiter. Messieurs, tâtez-vous le pouls et vous compterez ses pulsations. Il est dans notre sang, il est dans notre économie, il s'appelle la nature organisée. À moi, cette découverte prouve que nul ne peut échapper à son caractère. À vous, elle ne prouve rien, sinon, peut-être, que je vous ennuie, mais elle prouve, en même temps, qu'Alphonse Maigret étant libéral, je suis bien obligé de le peindre avec ses qualités et ses imperfections. Fin du chapitre 6 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 7 de la troisième partie. Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Or, Alphonse Maigret mit, par sa nouvelle position, en rapport quotidien avec les ouvriers, vit ses chaleureuses convictions s'épurer au creuset de l'infortune. Parmi ses compagnons d'atelier, il rencontra des gens actifs et intelligents. Il se plut à leur inculquer une partie des connaissances qu'il avait acquises. Sa charité, son aménité, lui firent de nombreux amis. Et ce qui est rare, ses égaux, tout en le chérissant, gardèrent toujours vis-à-vis de lui une déférence entière. Il ne tutoyait personne, nul ne s'avisa de le tutoyer, ou même de trouver mauvais qu'il ne se livrât pas à la familiarité ordinaire dans les chantiers. Un trait de courage, accompli en présence de tous ses camarades, acheva de lui gagner la considération de ceux qui, d'abord, l'avaient traité de « demoiselle ». Certain après-midi, qu'Alphonse était occupé à radouber un brick à la pointe Lévis, une tempête effroyable éclata tout à coup. Le Saint-Laurent grossit avec une rapidité prodigieuse, ses grandes lames se déferlèrent sur la plage en mugissant, et les nombreux navires mouillés dans la baie, dérapant sur leurs ancres, s'entrechoquèrent tumultueusement les uns contre les autres. Au fort de l'ouragan, une barque, partie de Québec, luttait contre la violence des flots pour atteindre le rivage. Mais, quoique montée par trois hommes robustes, elle ne pouvait aborder et menaçait à chaque instant de chavirer. Les charpentiers, répandus sur la grève, cherchaient par leurs clameurs à encourager les malheureux bateliers. Ces clameurs s'égaraient au milieu des éléments en furie. Soudain, une vague énorme, bondissante, arrive. Ne la voyant pas venir, l'homme assis à la barre tourne le cap vers elle, et la montagne liquide s'abat comme une avalanche sur la frêle embarcation. Un cri déchirant retentit, et pendant une minute, l'on n'entend plus que les mugissements de l'onde courroucée, le sifflement de la bise qui se lamente dans les agrès des paquebots. « Une corde! Attachez-moi une corde autour des reins !» dit Alphonse. On lui obéit. Le jeune homme est dans le fleuve. Tantôt il nage, tantôt il plonge, et toujours il avance vers le lieu où les trois naufragés ont enfoncé. Après 10 minutes d'efforts inouïs, et après être resté longtemps sous les eaux, il reparaît tout à coup, tenant un homme par le bras. au moyen de sa corde, on l'aide à regagner la rive. Il dépose son fardeau et, sans vouloir écouter les conseils des assistants, qui l'engagent à se reposer, il se jette dans le fleuve et en ramène bientôt une seconde victime. Mais alors ses facultés physiques épuisées ne lui permirent pas une troisième tentative, et le Saint-Laurent conserva sa dernière proie. Je l'ai dit, cet acte d'intrépidité et de vigueur lui concilia, à jamais, les égards de quelques ouvriers qui, par jalousie, étaient disposés à le dénigrer. Fin du chapitre 7 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 8 de la troisième partie. Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Devenu promptement un habile charpentier et un mécanicien distingué, Alphonse Maigret gagna assez d'argent pour procurer une honnête aisance à sa famille. Il aurait pu vivre heureux et même monter les degrés de la fortune en sacrifiant ses opinions politiques à ses intérêts personnels. Mais il était doué d'une âme trop noble, trop enthousiaste, pour ne pas viser à la réalisation de pareilles doctrines. Non content de faire une propagande virulente contre le gouvernement anglais, il se mêlait à toutes les agitations soulevées à cette époque, dans la population franco-canadienne, par des vexations que des agents de la Grande-Bretagne prodiguaient à ses compatriotes. Ayant appris qu'un mouvement populaire se préparait à Montréal, il y courut aussitôt, mais l'insurrection fut étouffée à son éclosion, et notre démocrate, saisi avec plusieurs des conjurés, fut plongé dans un cachot. Dans ce cachot, il rencontra un Irlandais du nom de Michael, plus généralement connu sous celui de Mike, détenu pour délit criminel. Mike était un homme résolu et entreprenant, Alphonse ne l'était pas moins. Les deux prisonniers conçurent un projet d'évasion. On sait comment ils l'exécutèrent. L'un fut repris, l'autre s'échappa, vint tomber chez Mademoiselle Angèle, qui le fit transporter à la maison de Pierre Morlaix, où nous allons le retrouver, en tête-à-tête, avec la gracieuse enfant. Fin du chapitre 8 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 9 de la troisième partie. Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Il était minuit. Dans une petite chambre, coquette, riante, sur un lit tendu de rideaux blancs bien propres, un jeune homme dormait. Assise à son chevet, dans un antique fauteuil en jonc, une jeune fille reposait aussi. Le sommeil l'avait gagné tandis qu'elle veillait son compagnon. Sa tête alanguie s'était peu à peu affaissée sur son épaule, puis doucement, très doucement, était allée se creuser un nid sur l'oreiller voisin. Dans ce combat entre sa volonté et la nature qui réclamait ses droits, les cheveux de la jeune fille avaient, peu à peu, rompu leur digue d'écailles, et maintenant ils inondaient le lit de leurs ondes parfumées. À la lueur d'une veilleuse, on distinguait une scène charmante, scène comme les aime un poète. Placée sur une petite table, en arrière des deux personnages, la veilleuse, de sa clarté limpide, en lutte avec l'ombre, les enveloppait comme sous une gaze diaphane, à travers laquelle les formes, les angles, se noyaient harmonieusement. Il eût fallu le pinceau de Paul Véronèse pour peindre la mélodie de ces deux têtes se détachant sur la blancheur immaculée du lit au milieu d'un crépuscule vaporeux. Rien de heurté dans les contours, rien de brusque dans les teintes, c'était cette dégradation, ce fondu de toutes les couleurs, ce moelleux de linéaments qui font l'honneur et le désespoir des artistes. Les deux jeunes gens, nous n'avons pas besoin de le dire au lecteur, avaient nom Angèle et Alphonse. Fin du chapitre 9 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 10 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Seul le bourdonnement de quelques moustiques et le frémissement d'une phalène, voltigeant autour de la lampe, troublaient le calme de la nuit. À ces sons imperceptibles se mêlait le murmure de la respiration régulière des deux dormeurs. Bruits argentins comme une symphonie lointaine. Tout à coup, le jeune homme fit un mouvement. La jeune fille ne bougea point. Son haleine continua de moduler ses aspirations et expirations alternatives. Le premier mouvement d'Alphonse fut suivi d'un deuxième. Ensuite, il ouvrit les yeux. Mais il les ferma presque aussitôt, ne pouvant supporter le faible éclat de la lumière. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans qu'il songeât à dessiller les paupières. Il rappelait ses souvenirs, les coordonnait dans son cerveau. Après avoir ainsi revisité Québec, sa ville natale, sa pauvre vieille mère, ses frères et sœurs, ses compagnons d'atelier, que la nouvelle de son arrestation avait navré de douleur, après avoir repassé les diverses péripéties de la conspiration dont il était victime, après avoir aperçu sa prison, assisté à sa propre évasion, après être entré dans la chambre d'Angèle, l'ange qu'il avait sauvé, après avoir senti son cœur battre d'une douce émotion, à la réminiscence de ce que sa protectrice avait fait pour lui, Alphonse voulut revoir le tableau dont il pressentait, plutôt qu'il n'avait vu, les charmes. Le délicieux visage d'Angèle, soutenu dans sa main gauche, était tourné vers le sien, si près que celui du malade se baignait dans les effluves d'un souffle embaumé, si près que les boucles soyeuses de la belle jeune fille se mariaient à la brune chevelure du jeune homme. Longtemps, longtemps, Alphonse la regarda, dans une muette extase, oubliant les âpres élancements de la blessure qu'il avait à l'épaule, oubliant sa situation, comprimant les pulsations de son sein, retenant son haleine, de peur de l'éveiller. Par hasard, le bras du jeune homme étendu sous le cou de la jeune fille lui tenait lieu de coussin. Qui pourrait dire ce qu'éprouva alors le charpentier, encore sous le coup des violentes commotions cérébrales qu'il avait éprouvées? Angèle rêvait, car un chaste sourire voguait sur ses lèvres vermeilles comme le bouton de la rose de mai. Lui aussi, il crut qu'il rêvait, ou que son âme avait quitté son enveloppe d'argile pour s'élever dans des sphères inconnues. Son esprit vierge, enclin à la contemplation, n'avait jamais imaginé que la vie pût présenter des sensations tellement enivrantes qu'on désira la mort pour les emporter avec soi dans la tombe. Et, cependant, toutes les pensées d'Alphonse étaient pures et saintes. Il était heureux d'un bonheur étrange dont l'affaiblissement de son cerveau, par une fièvre violente, exaltait les jouissances jusqu'à l'infini. Fin du chapitre 10 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 11 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. Soudain, la sonnerie d'une vieille horloge, appendue à la muraille, fit entendre ce ronron enrhumé qui précède le choc du marteau sur le timbre, et Angèle s'éveilla en sursaut. Mue d'un sentiment exquis, dont les femmes sauront apprécier toute la délicatesse, Alphonse feignit aussitôt de dormir. Trompée par ce subterfuge, la jeune fille sourit, en remarquant le désordre de sa toilette, se dégagea du collier que le bras du malade formait autour de son cou, et ayant jeté sur le pâle visage de notre héros un coup d'œil plein de sollicitude, courut à un petit miroir, devant lequel elle renoua ses cheveux et rajusta son corsage. Le charpentier l'épiait entre les cils de ses yeux entr'ouverts. Quand elle eut fini, Angèle revint, d'un pas léger, près de la couchette, borda les couvertures qui s'étaient dérangées, renouvela la veilleuse de sa lampe, et prit une broderie qu'elle avait quittée pour savourer les pavots de Morphée. Dieu, qu'elle était ravissante ainsi, notre Angèle! comme la robe de barège noir qu'elle portait, sur une jupe de piqué blanc, faisait bien valoir les admirables proportions de sa taille, si mignonne à sa naissance, qu'on l'aurait emprisonnée entre deux empans, si développée à la hauteur des épaules, qu'on craignait de la voir fléchir, sur sa cambrure, comme un roseau sur sa tige. Comme cette même robe tranchait vivement avec la carnation veloutée de la jeune fille, carnation qui avait emprunté ses nuances à la pulpe d'une pêche. Comme, enfin, on aurait aimé à baiser ses petits doigts blancs, effilés, aux ongles transparents et rosés comme l'opale, qui s'échappaient des manches longues, agrafées aux poignets de cette robe de barège noir. Les phalanges de ses doigts, ornées de fossettes, nuancées de filets d'azur, eussent défié le ciseau de Pradier, comme le visage d'Angèle eût fait pâlir la Madone de Sanzio. Ce visage, oserons-nous bien essayer de le reproduire avec une plume incolore, des mots inanimés? Si Pygmalion voulait le feu sacré de la vie pour Galatée, si son chef-d'œuvre lui semblait frappé de mort, que dirons-nous, nous qui ne possédons, pour mouler la beauté d'Angèle, pour vivifier ses grâces inimitables, qu'un peu d'encre boueuse et une feuille de papier jauni? Quoi donc? La langue française offrirait des expressions correspondantes à ce modèle de perfection dont chaque trait, chaque teinte était un cartel lancé à l'art. Quoi donc? Nous pourrions vous faire toucher, palper les touffes de cette chevelure blonde aux reflets dorés qui, se partageant au-dessus du front en deux bandeaux mouvants, venait se rouler par une opulente torsade derrière une tête dont le galbe surpassait celui de la Vénus de Milo? Quoi donc? Nous pourrions ciseler ce front d'une pureté angélique, indiquer l'arc de ses sourcils, mollement courbés en demi-cercle, éclairer ce grand œil brillant où roulait une prunelle noire, comme le jet, dans un médaillon d'émail, frangé d'une fibrille rose tendre? Et, suivant la progression, nous sculpterions ce nez grec, taillé sur des méplats arrondis, et précédant une bouche plus fraîche que le calice d'une fleur, et dans laquelle étincelaient les 32 perles classiques, chantées par tous les poètes du XVIIIe siècle. Quoi donc? Notre main inhabile pourrait dévoiler ces trésors enchanteurs, ces charmes divins qui avaient fait surnommer Mademoiselle Angèle la jolie fille du faubourg Québec? Avouons-le, en toute humilité, nous ne le croyons pas. Aussi, pour ne point tenter une tâche impossible, nous vous dirons, lecteur, ayez foi dans le bon sens populaire et figurez-vous ce que pouvait être celle que la foule envieuse et toujours plus prête à médire qu'à louanger avait unanimement baptisée la jolie fille du faubourg Québec. Fin du chapitre 11 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 12 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Le silence se prolongeait dans la petite chambre. L'on n'entendait que le frôlement de l'aiguille dans le tulle, le bourdonnement des moustiques et le frémissement de la phalène qui achevait de brûler ses ailes à la flamme de la lampe. Alphonse n'avait pas changé de position. Ébloui par le soleil même de son admiration, il rêvait dans la réalité qu'il avait sous les sens. Probablement, cet état aurait duré plusieurs heures encore, sans qu'il lui vînt à l'idée d'en sortir. Mais sa poitrine oppressée livra cours à une petite toux sèche qui, tout de suite, éveilla l'attention de son infirmière. Elle s'approcha du lit, en glissant sur le plancher, comme une sylphide. À l'aspect du jeune homme, qui l'examinait avec un radieux sourire de reconnaissance, Angèle poussa un cri de joie. Alphonse prit sa main, qu'elle lui abandonna, sans résistance. « J'ai été bien malade, n'est-ce pas ? » murmura-t-il, d'une voix plaintive. « Oh ! » Puis ce fut tout. Ces deux enfants, si beaux de leur vertu, de leur innocence, confondirent leurs âmes dans un regard passionné. La main d'Angèle tremblait dans celle d'Alphonse. Celle d'Alphonse frémissait dans celle d'Angèle. Ils s'aimaient. Avait-il besoin de se le dire? Fin du chapitre 12 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 13 de la troisième partie. Angèle et Alphonse. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. La première, Angèle s'arracha aux fascinations de ce magnétisme dominateur. « Avez-vous soif ? » demanda-t-elle d'un ton troublé. Le charpentier ne répondit pas. Il errait toujours dans les plaines d'un monde éthéré. La jeune fille réitéra sa question en lui préparant une potion. « J'étais si bien, » balbutia Alphonse. « Pourquoi m'avez-vous quittée, ma sœur ?»« Tenez, buvez, ce breuvage vous donnera des forces, » dit Angèle, revenant vers lui, les yeux baissés. Il prit la tasse, la porta à ses lèvres, et puis l'en détourna. « Vous ne voulez pas boire ?»« Je n'ai pas soif. »« N'importe, monsieur Alphonse, il faut boire. »« Mon Dieu, vous savez mon nom ? Qui vous l'a appris ? Comment se peut-il ? » ?»« Hé hé, pensez-vous qu'il ne soit pas connu de toute la ville ? » répliqua-t-elle en souriant. « Voilà 8 jours passés depuis votre évasion, monsieur. »« 8 jours ? » « Oui, 8, nous entrons dans le 9e. »« Mais... » »« Buvez d'abord. Après, je vous expliquerai cela. Ne craignez rien. Vous êtes en sûreté, chez de braves gens qui se feraient plutôt hacher que de vous livrer à vos bourreaux. »« Oh ! » commença le charpentier. « Buvez, je vous en prie. Pour l'amour de... »« Pour l'amour de vous !» s'écria Alphonse, en avalant d'un trait le contenu de la tasse. « Merci, » dit-elle en rougissant. « Merci ? » dit Alphonse surpris. « N'est-ce pas moi ?»« Vous, monsieur, je vous ordonne de ne pas parler. Le médecin l'a défendu. Pour vous tranquilliser, je vous apprendrai que vous êtes chez un ami qui partage toutes vos idées politiques. Je vous y ai fait transporter le jour. Vous vous souvenez ?» Le jeune homme hocha affirmativement la tête, et la jolie fille continua. « Par malheur, votre blessure s'était envenimée pendant la nuit. Le délire vous possédait quand je vins vous chercher, et en arrivant ici, vous aviez, pour la seconde fois, perdu connaissance. Les symptômes d'une fièvre violente se déclaraient. Nous n'avions pas prévu ce cas. J'ai dû vous causer bien du tourment. « Entêtée, dit presque gaiement Angèle, ne vous ai-je pas interdit la parole ? Si vous desserrez encore les dents, je m'en vais, monsieur. » Sa voix avait adopté cette inflexion enfantine et impérative dont les femmes usent assez volontiers avec ceux qu'elles affectionnent. « Je vous jure, » commença Alphonse. « Bon, » dit-elle en lui fermant la bouche de sa petite main, menue, effilée comme celle d'une duchesse. « Est-ce ainsi que vous tenez compte de mes ordres ? Méchant, va, il ne veut pas guérir. Voyons, buvez maintenant une autre tasse, monsieur. Vous avez encore 3 doses à prendre. » Lorsqu'il eut bu, sa gentille compagne reprit. « Je disais donc que vous étiez bien malade et que nous, enfin Pierre, songea au docteur Dubois, un honnête médecin, un digne Canadien. Il lui confia notre secret, et c'est lui qui vous a soigné. » Fin du chapitre 13 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 14 de la troisième partie. Angèle et Alphonse. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. La porte de la chambre venait de s'ouvrir et la mère Morlaix s'avançait à pas de loup. Quien, quien ? « Vous jasez, enfant » marmotta-t-elle en approchant du lit. « Eh ben, comment qui va ce cher amour du bon Dieu ?» D'un regard, Alphonse avait interrogé sa bienfaitrice. « Soyez tranquille, » lui dit-elle, « c'est ma mère. »« Oui, sa mère d'adoption, » dit la bonne vieille avec un mélange d'orgueil et de plaisir. « Car c'est moi qui l'a nourrie, élevée, induquée, notre Angèle. Mais v'là que je bavasse comme une pie. »« Permettez-moi de vous baiser la main, » dit Alphonse. « Quoi, quoi, me baiser la main, Seigneur Jésus, y pensez-vous, mon fils ? Est-ce qu'on est une jeunesse, nous autres ? Embrassez-moi, ça vaudra mieux. Là, sur les 2 joues, pardi, je savons qui vous êtes. Un brave et digne garçon, fièrement savant, mais pas vaniteuse en toute. Ah, votre mère doit être joliment contente d'avoir un enfant comme celui-là. Dame, Vous êtes ahuri. C'est que j'avons été aux informations sur votre compte, et qu'on nous a conté tous les beaux sacrifices que vous avez faits pour votre chère famille. C'est ben ça, mon gars. Le bon Dieu qui est là-haut vous bénira. Mais faut pas vous impatienter. Ils sont ben chez vous. J'avons reçu de la nouvelle pas plus tard qu'hier, et ils savons zitout où que vous êtes. Mais, Motus, v'là c'te pauvre Angèle qui est fatiguée, je viens la relever. Allons, petite, il est temps d'aller te coucher. À ce moment, un cri perçant retentit dans la rue des Voltigeurs. « Qu'est-ce que cela ? » fit la jeune fille en se précipitant vers la fenêtre. Fin du chapitre 14 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 1 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Le lecteur n'a point oublié l'espionnage auquel s'était consciencieusement livré Jacques Bourgeot, ni les paroles menaçantes qu'il avait prononcées, en remarquant que les inquiétudes de sa jalousie prenaient de la consistance. Un instant, il se demanda s'il ne rentrerait point chez Pierre Morlaix, afin de tâcher d'y saisir le fil de l'intrigue qu'il pressentait. Mais, réflexion faite, il se résolut à user de ruse. Et, après avoir attendu près d'une heure pour voir si Angèle et le charretier ressortiraient, il se dirigea vers la rue Notre-Dame. Comme il arrivait sur la place Jacques-Cartier, un jeune homme, à la mine astucieuse et repoussante, l'aborda. « Bonjour, Jacques !»« Bonjour. Comment ça va-t-il aujourd'hui ?»« Bien, » répondit, d'un ton bourru, le fils du commerçant retiré. « Tu parais diantrement maussade. Est-ce qu'on t'aurait marché sur le pied ?» Marcher sur le... Qu'est-ce que tu veux dire? Pardi, je te demande si, par hasard, tu aurais eu dispute avec quelqu'un. Tu as la figure aussi nébuleuse qu'une soirée de novembre. Mais viens-tu prendre une gobe? Ça chassera les brumes du matin. Je refuse pas, quoique tu parles toujours en tarmes, toi. Sapristi, c'est mon devoir, mon coq. Note, locution canadienne, comme gobe, etc. Fin de la note. On n'est pas journaliste pour rien. « Où entrons-nous ? » ?»« Crédier, il y a de fameux brandis chez la mère Allais. Si on y allait !» Fin du chapitre 1 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 2 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. La mère Allais demeurait au commencement de la grande rue Saint-Jacques. Les deux jeunes gens furent bientôt rendus. « Eh bien, quoi de neuf ? » fit le journaliste à son compagnon, tout en dégustant un verre d'eau-de-vie. « 4 et 5 font 9, » répliqua Jacques, avec le rire de la niaiserie satisfaite. « Pas fort, mon coq, pas fort, » ajouta aussitôt l'autre. « Avec des jeux de mots de ce calibre-là, tu ne feras pas fortune. » « On ne fait pas ce qui est fait. » riposta Jacques d'un air suffisant. « Peste ! Je n'ai pas besoin de travailler pour vivre, moi. Heureusement que monsieur ton beau-père s'est amusé à te précéder en ce bas monde. Tu dois une fière chandelle à la Providence, mon gros. »« Dame, ça se peut bien, » répondit Bourgeot, ne comprenant pas l'allusion cachée sous cette phrase banale. « Mais quelle nouvelle ? Tu en sais des nouvelles, toi qui écris dans la Gazette ? On dit que madame B est accouchée d'un enfant à deux têtes. » Un enfant à deux têtes? Oui, un monstre. Et il est vivant? Non, mort-né. On ne l'enterrera pas au cimetière, je pense. Pourquoi non? Un enfant à deux têtes? Seigneur! Mais c'est une conception du diable! L'as-tu vu? Comme je te vois. Jacques recula épouvanté en faisant un signe de croix. Tu ne l'as pas touché, au moins? Balbutia-t-il. Au contraire! Je l'ai palpé et puis t'assurer qu'il était parfaitement conformé. Tu n'aurais donc pas osé... Moi ? S'écria Bourgeot, essayant de vaincre la peur que lui causait cette révélation. Moi ? Ah ! J'aurais fait comme les autres. Un enfant à deux têtes ! On dit que des voleurs se sont introduits dans un magasin de joaillerie et ont enlevé des bijoux pour une somme considérable, reprit le journaliste, en riant sous cape de la pusillanimité de son crédule auditeur. On dit que M. G se sépare d'avec sa femme, qu'il aurait surprise en tête-à-tête avec un trop aimable cousin. Mais la grandissime nouvelle, cette nouvelle, la nouvelle par excellence, c'est la nouvelle qui a mis toute la ville en émoi, débonderas-tu ? C'est la nouvelle de l'évasion d'Alphonse Maigret. Alphonse Maigret ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas ce nom-là. Tu m'étonnes. Ah ben, crois-tu que j'ai des relations avec les escrocs, moi, Jacques Bourgeot, qui aura un jour plus d'un millier de louis de revenus ? Alphonse Maigret est pire qu'un voleur, c'est un brigand de rebelle. Il était le chef de l'insurrection qui faillit éclater à Montréal, lors des dernières élections, tu te rappelles ? Ah, c'est un annexionniste. Oui, un américanisateur. Il avait été arrêté et jeté en prison, grâce à la bravoure de notre police anglaise. Et il s'est échappé, le gredin ? Il s'est échappé la nuit dernière. On lui avait donné pour camarade de chambre un vaurien, accusé, il me semble, d'avoir forgé un bill. Ils ont limé les barreaux de leur cachot et se sont sauvés ? Pas tous deux, car le coquin a été, dit-on, repincé immédiatement, et le scélérat, le Maigret, lui-même, il a déjoué les recherches de la police. On ne l'a donc pas aperçu ? Que si ! Les soldats lancés à sa piste l'ont suivi pas à pas jusque dans Wolf Street, et là, ils ont perdu sa trace. Ils auraient dû tirer dessus comme sur un chien enragé. Impossible, il pleuvait à verse, et c'est à peine si les fantassins pouvaient entrevoir son ombre à travers les ténèbres. Les damnés bostonnais vont être joliment contents. Note, au Canada, les gens qui cherchent à annexer la colonie aux États-Unis sont ainsi nommés. Fin de la note. Oh, qu'ils ne se réjouissent pas à l'avance. Alphonse n'est pas loin, c'est sûr. Il a reçu une blessure. On a distingué des taches de sang au bas du mur de la prison. Évidemment, il est caché en quelque place du faubourg Québec. Nos policemen ont le nez fin. Je parierais bien que la journée ne s'écoulera pas sans qu'ils aient flairé leur homme. Ne disais-tu pas que c'est dans la rue du Loup qu'il a disparu ? Oui, mon gros, dans Wolf Street. Buvons-nous un autre coup ? Comme tu voudras. Bon, voilà que tu rajustes ta physionomie d'âme en peine. C'est bien dans la rue du Loup ? Reprit Jacques, en fourrant le pouce dans son nez, geste qui annonçait chez lui une vive contention d'esprit. « Es-tu sourd ? Je te l'ai déjà répété deux fois. »« Ah, c'est dans la rue du Loup. »« Encore ? Faudra-t-il te le rabâcher jusqu'à demain ? C'est dans Wall Street, autrement la rue du Loup, ou du général Wolfe. Est-ce que cela ne te suffit pas ? Mais j'y songe, elle doit être familière, cette rue-là. L'idole de tes amours, la jolie fille du faubourg Québec, ne niche-t-elle pas dans ces parages ?»« Que t'importe ? » répondit Jacques d'une voix brève. « Oh, oh, mon coq, est-ce que nous nous fâcherions ? Sois sans crainte, je ne m'aviserai pas de courir sur tes brisées, bien que la divine Angèle... »« Assez ! M'empêcheras-tu de faire l'éloge de ta maîtresse ? Elle se passera bien de tes sots compliments. »« Merci, monsieur Jacques, votre incomparable franchise séduit mon cœur à un point indicible. Trinquons ensemble, morbleu, deux sots de notre espèce auraient tort de se quitter sans fraterniser. » « Je suis une bête, » dit Bourgeot, qui voulait obtenir par une maladroite concession quelques renseignements plus précis. « Tu ne me l'apprends pas. » « Méchant critique. » « Chacun son métier. » « Tu ne sais plus rien sur le compte de l'évadé ?»« Non, ma foi. » « On l'a sans doute interrogé. » « Ça me paraît friser toutes les facettes de la probabilité, » repartit l'autre d'un accent superbe. « Et le nom du rebelle, je ne m'en souviens plus. » « Alphonse Maigret. » Un charpentier de Québec, un tribun de carrefour, un pilier de taverne, un ivrogne, la lie du peuple. Il est blessé ? À preuve que, sans la pluie, il aurait laissé derrière lui un ruisseau de sang. Vraiment ? Mais quel intérêt ? De l'intérêt à un pareil misérable, moi, tu badines ! Interrompit Jacques avec une brusquerie qui aurait éveillé l'attention d'un observateur plus clairvoyant que le jeune diplomate à qui il s'adressait. 8 heures ! Dit celui-ci en tirant sa montre. « Diable, c'est demain jour de publication. Faut que j'aille à mon bureau. Tu paies la consommation. Je n'ai pas de change. » Note, monnaie. Fin de la note. Pas de change, ça lui arrive plus souvent qu'à son tour. Marronna Bourgeot, en soldant l'écho, tandis que le journaliste s'éclipsait sournoisement. Fin du chapitre 2 de la 4e partie. Enregistré par Nadine Ecker-Boulet, à Copenhague, en décembre 2010. Chapitre 3 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Jacques se promena pendant près d'une heure, après être sorti de la barre, note, buvette, fin de la note, de la mer à lait. Mille pensées se heurtaient dans son cerveau. Malgré son peu de perspicacité, il faisait entre l'évasion d'Alphonse et la scène dont il avait été témoin, dans la matinée, des rapprochements qui pouvaient être fatals à l'évadé, aussi bien qu'à ceux qui lui prêtaient si charitablement aide et asile. Mais Pierre Morlaix était un citoyen estimé de tout le monde. Pour l'accuser, il fallait des preuves. Bourgeot n'en avait aucune. D'ailleurs, son amour-propre, sa vanité, acceptait avec répugnance la vraisemblance de la trahison d'Angèle. Car nous sommes ainsi faits. Quand nous désirons fortement qu'une chose tourne à notre avantage, il nous en coûte tant de la voir se déclarer notre ennemi que nous combattons même l'évidence. Cet axiome est surtout vrai en amour. Il n'est point d'amant qui, sûr d'être trompé, et ayant formé un plan de vengeance, ne sera heureux si sa maîtresse parvient à se disculper. La recherche du bonheur nous préoccupe à ce point que nous préférons le bonheur imaginaire au malheur en perspective. En somme, les apparences nous plaisent plus que la réalité, surtout quand elles sont favorables à la satisfaction de notre moi. Fin du chapitre 3 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 4 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Jacques, donc, se détermina à garder, durant quelque temps, le silence et à épier ce qui se passerait dans la maison du charretier. Il reprit incontinent le chemin de la rue des Voltigeurs. Mais, comme il approchait, il rencontra Pierre Morlaix, qui se rendait, avec sa voiture, à sa station habituelle. « Ah ah, vous v'là, monsieur Jacquet !» dit gaiement le brave cocher. « Vous ne faites pas un tour ? On m'avait dit que tu étais engagé ?»« Moi ? Oh oui, mais j'ai laissé mon bourgeois en haut du faubourg, et maintenant je suis libre. À votre service, monsieur Jacques. Est-ce que tu pourrais me conduire à la pointe aux Trembles ?»« Si ça vous convient. Pas de soin, monsieur Jacques. Dans une petite heure, nous serons arrivés. »« Allons, » dit Bourgeot, en montant dans la calèche. Puis, se ravisant, « À propos, quelle heure est-il ? » Pierre Morlaix tira de son gousset une de ces grosses montres en argent, communément désignées sous le nom de bassinoire. « 9h-25, » répondit-il, après avoir consulté le cadran. « 9h-25 ? Alors je change d'avis, tu vas me conduire à la Chine. » Fin du chapitre 4 de la quatrième partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 5 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Le temps était superbe. Jamais soleil plus radieux n'avait doré de ses rayons les riches campagnes du Canada. Jamais plus diaphane azur n'avait réjoui les plaines célestes. Jacques Bourgeot n'était pas homme à se laisser impressionner par les charmes de la nature, en ce moment surtout. Aussi, dès que la calèche eut dépassé le village des Tanneries, commença-t-il, avec son conducteur, la conversation suivante. « Eh ben, Pierre, y en a-t-il du nouveau ce matin, en ville ?»« Du nouveau ? Ah ben, quoi donc, monsieur Jacques ? Moi qui ne sais rien encore. »« Tu n'as rien appris ?»« Rien en tout. Le particulier que j'ai charrié, ce matin, était muet comme le travail de ma calèche. Tu ne le connais pas ? Pas un brin, répondit Pierre en excitant ses chevaux. Cependant, reprit Bourgeot, il court un bruit. Vous dites, monsieur Jacques ? Il court un bruit. Le chef de la rébellion s'est évadé. Qui ça ? demanda Morlaix en toussant pour voiler le trouble de sa voix. Alphonse Maigret, tu sais, un ruffien, un gueusard. Et il a déserté la prison ? Pendant la nuit dernière. C'est-il bien possible, monsieur Jacques ? Comment, tu ignorais cela, toi ? Ma foi, monsieur Jacques, c'est la première nouvelle. Mais où est-ce qu'il s'est réfugié ? Tu le sais peut-être mieux que moi, dit l'amant d'Angèle, en se penchant pour voir quel effet ces paroles produiraient sur Pierre Morlaix. Moi ? Répliqua celui-ci, avec le plus grand sang-froid. Ah ben, vous voulez rire, monsieur Jacques ? Tiens, ajouta Bourgeot, d'un ton assez badin pour dissiper les soupçons que sa question avait fait naître dans l'esprit du charretier. Si c'était, par hasard, ton voyageur de ce matin. Hé ? Hé hé ! Farceur de monsieur Jacques, va ! Mon voyageur de ce matin ! Hé ! Oh hé ! Qu'y aurait-il d'impossible ? Ah, nous arrivons, dit Pierre, en montrant les blanches maisons de la Chine, éparpillées au milieu d'une verdoyante prairie qu'ombrageaient des bouquets d'arbres touffus. Où débarquez-vous ? Près de la traverse, repartit Bourgeot. Je vais à Caughnawaga. Tu attendras mon retour. Bientôt, il sauta à terre en murmurant « Puissé-je trouver cette vieille sorcière d'Iroquoise ?» Fin du chapitre 5 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 6 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. À l'extrémité septentrionale du village iroquois de Caughnawaga, on voyait alors une hutte, longue de 20 pieds sur une profondeur de 15. Elle était formée de pieux fichés en terre, revêtue d'un bousillage de glaise et surmontée d'une toiture d'écorce. De chaque côté, une porte, faite d'écorce suspendue, donnait accès dans cette hutte, dont l'intérieur, éclairé par des trous pratiqués dans le mur, était aussi misérable que l'extérieur. Au centre était le foyer, près duquel une demi-douzaine de chiens décharnés, le museau entre les pattes, reposaient ordinairement leurs membres étiques. À des poutrelles transversales étaient accrochés des quartiers de venaison, des bottes d'herbage de toute grandeur et des chapelets de poissons. Des planches de bois blanc, disposées en rayons, à une verge du sol, s'étendaient autour de la cabane. Sur ces rayons, on apercevait divers ustensiles de ménage, comme poteries en terre cuite, écuelles et marmites de bois, et un tas de ces gros cailloux que les sauvages, avant qu'ils connussent la vaisselle de terre et de métal, faisaient rougir au feu, puis qu'ils jetaient dans des vases pour chauffer l'eau ou cuire les aliments nécessaires à leurs besoins. Dans un coin, il y avait un lit de sapinette recouvert d'une peau d'original et, vis-à-vis, une sorte de grande chasse dans laquelle on apercevait des figures de bois aux formes bizarres et monstrueuses. Ces figures représentaient les idoles autrefois adorées par la nation iroquoise lorsque les fils des Sagamos étaient tout-puissants et fiers. C'était, d'abord, Agreskoué, le souverain être et dieu de la guerre. Atahensik, qui commandait la foule des mauvais génies, Touskeka, chef des bons esprits, Malcomek, etc. Chacune de ces divinités, peinte avec des couleurs tranchantes, portait le signe de ses attributs. Enfin, au pied de la chasse, immédiatement sous une des ouvertures par lesquelles le jour pénétrait dans la hutte, scintillait une couche de poussière dont les nuances vives, variées et chatoyantes, éblouissaient l'œil. Cette poussière était le produit de petits coquillages, soigneusement pilés et renfermés dans un cercle de frêne, ayant environ 2 pouces de hauteur. Du milieu s'élançait une baguette garnie de peaux de serpents enroulés et qui hérissait de leur tête hideuse la tige et le bout de ce nouveau caducé. Accroupie devant le cercle, une femme étudiait avec attention les traces que 2 lézards laissaient sur la poussière en tournant autour de la baguette à laquelle ils étaient attachés par des fils venant rayonner à la circonférence. Cette femme était riche de vieillesse et de laideur. Elle avait le costume des Iroquoises, une couverture de laine brune, un braillet, des mitas et des mocassins ornée de verroteries et de broderies bariolées. Son visage était tatoué, sillonné de rides profondes. À son nez et à ses oreilles pendaient des anneaux d'argent et un collier de graines rouges, avec une tête de vipère en guise de médaillon, descendait sur sa poitrine sèche et terreuse. Cette femme était la vipère grise, la sorcière iroquoise. Elle se disait issue de la chaudière noire, ce fameux Sagamos qui, en 1691, causa de si terribles ravages dans les colonies du Canada. Note, voir les Sagamos illustres par M. Maximilien Bibeau, chapitre 26. Fin de la note. Et elle jouissait d'une haute considération parmi ses compatriotes. Quoique la plus grande partie de la tribu iroquoise encore cantonnée au Sault Saint-Louis fût déjà convertie au catholicisme, la vipère grise exerçait une influence immédiate sur le conseil des chefs qui, en maintes occasions, se prévalait de ses jongleries pour faire adopter des résolutions importantes. Fin du chapitre 6 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 7 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Après avoir traversé le Saint-Laurent en canot et abordé à Caughnawaga, Jacques Bourgeot s'achemina vers l'habitation de la vipère grise. Le jeune homme était sombre et presque tremblant. Il hésita durant plusieurs minutes avant de s'introduire dans l'antre de la sibylle sauvagesse, puis, enfin, prenant son courage à deux mains, il entra. La vipère grise, en entendant le bruit de ses pas, prit un tam-tam, fait d'un tronc d'arbre creux recouvert d'une peau d'élan, et, sans changer de position, sans tourner les yeux, frappa dessus en cadence avec un bâton court. Jacques demeura debout contre la porte, n'osant ni parler ni avancer. Les chiens s'étaient dressés sur leurs pattes et grondaient sourdement. Tout à coup, la sorcière, s'animant au son de la musique, rejeta sa couverture en arrière, se leva vivement et chanta d'une voix chevrotante en s'accompagnant de son tambourin. Fin du chapitre 7 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 8 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Un jour le grand esprit s'ennuyait au-dessus des nuages dans le monde des esprits, parce que, depuis longtemps, il n'était venu sur la terre et qu'il ne savait pas ce qu'étaient devenues les créatures sorties de ses mains créatrices. Le grand Manitou est bon et puissant. Il avait fait la lune, le soleil, les étoiles, la terre, les plantes, les bêtes, pour qu'ils fussent heureux. Mais il se défiait de l'esprit noir qui n'aime que le mal. Pour s'assurer par ses yeux de la vérité, il descendit sur la terre au bord d'un étang. Il vit, dans les ondes transparentes, une carpe qui se promenait sur le sable doré. Aussitôt, il se change en carpe et se laisse glisser dans l'eau. « Eh bien, ma chère amie, dit-il à la carpe, tu dois être très heureuse ici, car les eaux que tu habites sont limpides et tu trouves abondamment des vermisseaux pour vivre. Moi, heureuse, répondit la carpe, eh, comment pourrais-je l'être, quand je vois sans cesse à ma poursuite le brochet prêt à me dévorer? Manitou poussa un soupir et sortit de l'eau. Il aperçut un bison qui paissait dans une savane. Il se changea en bison et l'aborda. Mon ami, lui dit-il, tu dois être très heureux, car tu habites une savane où l'herbe tendre te vient jusqu'au ventre, et tu es assez fort pour te défendre de tes ennemis. Comment serais-je heureux, répondit-il, quand mes yeux sont constamment tournés vers la forêt pour en voir sortir, avec fracas, le mammouth géant qui se précipite sur mes frères et les dévore. Manitou soupira et entra dans la forêt où il rencontra un écureuil. Il se changea en écureuil et grimpa sur l'arbre où le petit animal avait établi son nid. Tu dois être heureuse ici, car tu trouves en abondance les fruits dont tu te nourris, et ton agilité te sauve des bêtes féroces. Comment serais-je heureux quand les arbres défeuillés sont couverts de frimas et que la volverenne ou le lynx viennent dévorer ma famille jusque dans les arbres les plus élevés ? Note, volverenne, espèce de loup cervier. Fin de la note. Manitou suivit le bord du fleuve. Il vit une vache marine paissant l'herbe du rivage, emportant son petit dans ses bras. Tu dois être heureuse, car tu aimes ton enfant et tu en es aimée. Je serai moins malheureuse, répondit la vache marine, si les lynx, les volverennes, les loups et cent autres animaux carnassiers n'étaient sans cesse cachés dans les joncs pour surprendre mes enfants. L'hiver, quand les glaces renferment le fleuve, puis-je prendre mon malheur en patience ? Manitou devint triste. Il se disposait à remonter vers le ciel lorsqu'il aperçut plusieurs animaux fort occupés dans la petite île d'un lac. C'étaient des castors. Il se changea en castor, s'approcha d'eux et leur dit « Eh bien, vous êtes sans doute malheureuses aussi, vous autres, car je vous vois obligées de travailler pour vous faire des cabanes qui vous abriteront contre l'intempérie des saisons. » « Nous, malheureux ? » dit un de la troupe. « Pas du tout, car le grand esprit nous a doués de sagesse et de prudence. » Manitou fut consolé et dit « Puisque la sagesse et la prudence font le bonheur, je veux faire des créatures tout à fait heureuses. » Alors il agrandit la cabane des castors, les changea en hommes, augmenta leur dose de sagesse et de prudence, leur apprit à chasser les ours et les élans, et leur dit « Allez !» Ensuite, Manitou remonta dans le monde des esprits et dit « Je suis content, car j'ai bien fait ce que j'ai fait. » Note, nous avons emprunté la traduction de ce chant à l'Encyclopédie canadienne, à laquelle il avait été adressé une lettre conçue en ces termes. Monsieur Bibot, la chanson suivante des Sauvages du Canada, si on s'en rapportait à elle, établirait le fait qu'autrefois lamantins et mammouths existaient dans ce pays. Je vais rapporter quelques fragments, traduits du langage des sauvages du Canada, qui la chantent encore comme une des plus importantes de leurs traditions. K. Encyclopédie canadienne, rédigée par M. Bibot, père. Tome 1, page 62-63. Fin de la note. Fin du chapitre 8 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet, à Copenhague, en décembre 2010. Chapitre 9 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. À mesure qu'elle poursuivait son chant, l'Iroquoise se livrait à des danses fantastiques et à des contorsions si étranges, si furibondes, que Jacques, épouvanté, voulut s'enfuir. Mais, pendant ce temps, les chiens s'étaient rangés devant la porte et en gardaient la sortie en grinçant les dents d'une manière menaçante. Force fut au jeune homme de rester. Quand la vipère grise eut fini cette pantomime parlante, elle s'approcha de l'étranger et, dardant sur lui ses yeux fauves, mouchetés de taches sanguinolentes, « Pourquoi, ô visage pâle, as-tu quitté la rive gauche de l'Adawana ?» Note, le Saint-Laurent. Fin de la note, pour venir à la fille du grand chef. Ignores-tu les maux que tes frères ont infligés à tous mes frères de la famille Moawakehuron ? Le Machi Manitou, note, esprit du mal, fin de la note, est irrité contre ta race. Il m'avertit que bientôt elle sera dispersée, anéantie, par une troupe plus nombreuse que les grains de sable du rivage, qui accourt pour venger les calamités dont toi et les tiens avez abreuvé les enfants de Taroniawagon. Note, père des humains, suivant les croyances religieuses des sauvages du Nord. Fin de la note. Oui, je la vois. Elle avance, elle avance. Des guerriers braves grossissent ses rangs. Entends-tu le bruit de leurs pas, ébranlant la terre comme un troupeau de bisons ? Écoute ce qu'ils disent. Mort, mort au visage pâle! Ils ont porté la peste, le fer et le feu dans nos wigwams. Os de nos vaillants ancêtres, apprenez au guerrier à ouvrir les veines de son ennemi et à boire dans son crâne le sang de la vengeance. Mort, mort au visage pâle! Qu'il tombe sous nos tomahawks, comme le daim sous la flèche du chasseur. Que leurs chevelures ornent nos cabanes. Que leurs cadavres fumants engraissent la tombe de nos pères. Jacques fit peu attention à ces paroles, mais tirant de sa poche 2 louis d'or, il les plaça dans la main de la magicienne. Fin du chapitre 9 de la 4e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 10 de la 4e partie. La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. « Ah ! » dit-elle, en considérant les 2 pièces avec un air de cupidité. « Tu as vu un ohiarou ?» Note, objet du culte chez les Iroquois. La première bagatelle qu'il voyait en songe. Fin de la note. « En songe, et tu veux consulter Ouaïcha ?» Note, dieu de la science divinatoire. Fin de la note. Par qui je connais les choses passées, présentes et futures. Je n'ai rien vu en songe, dit Bourgeot. Je veux savoir si ma maîtresse me trompe. Le cœur d'une femme est profond comme l'onde du lac salé, répondit emphatiquement la vipère grise. Atawata, note, le dieu de la cosmogonie, fin de la note, a créé la femme avec un nuage de son ciel. Ugoao seul peut dire ce qu'était Atahensik. Note. Pour savoir ce que c'est que Ugoao, il faut interroger la tradition de la création comme elle s'est transmise chez les sauvages du Nord. Au commencement, disent-ils, il y avait 6 hommes. Il n'y avait pas alors de femmes, et ils craignaient que leur race ne s'éteignît avec eux, lorsqu'ils apprirent qu'il y en avait une au ciel. On tint conseil, il fut convenu que Ugoao monterait, ce qui parut d'abord impossible. Mais les oiseaux lui prêtèrent le secours de leurs ailes et le portèrent dans les airs. Il apprit que la femme avait coutume de venir puiser de l'eau auprès d'un arbre, au pied duquel il attendit qu'elle vînt. Et la voici venir, en effet. Ugoao cause avec elle et lui fait un présent de graisse d'ours. Une femme causeuse qui reçoit des présents n'est pas longtemps victorieuse. Celle-ci fut faible dans le ciel même. Dieu s'en aperçut et dans sa colère la précipita en bas. Mais une tortue l'a reçue sur son dos, où la loutre et d'autres poissons apportèrent du limon du fond de la mer et formèrent une petite île qui s'étendit peu à peu et forma tout le globe. Les Sagamos illustres, introduction. Fin de la note. Note. Atahensik, d'après Charlevoix, nom de la première femme et génie du mal. Fin de la note. Toi, mon frère, tu as un rival. « Un rival ! » s'écria Jacques. « Un rival puissant, par ses charmes et ses maléfices !» répéta la magicienne avec exaltation. « Viens !» Le saisissant par le bras, elle l'entraîna vers l'âtre, attisa le feu et plaça au-dessus une chaudière en fer battu qu'elle remplit d'eau. Ensuite, elle jeta dans la chaudière une poignée d'abesuchensa, ginseng, note, nom qui veut dire enfant et qui appartient à une plante dont la racine ressemble à un embryon. On attribue à cette plante des propriétés médicinales extraordinaires. Les botanistes l'appellent Aureliana canadensis. Fin de la note. Et d'autres plantes médicinales dont elle surveilla la cuisson en observant les globules qui montaient à la surface de l'eau. La décoction lui ayant paru suffisante, elle plongea 3 fois ses mains dans le vase, les éleva en l'air, les joignit, en trépignant comme un énergumène, et poussa des cris affreux. À ces cris, les chiens mêlèrent leurs rauques aboiements, et bientôt ce fut, dans la hutte, un charivari infernal. Le tumulte apaisé, l'Iroquoise puisa dans la chaudière avec une écuelle en bois et tendit le breuvage à Jacques. « Bois, mon frère, bois !» lui dit-elle. « Par sa vertu magique que m'a enseigné Malcomek, l'esprit des hivers, l'abesuchensa purifiera ton corps de toutes ses souillures et ton âme s'élancera, à travers l'espace infini, dans les prairies où habite Ouaïche. Boire ça ? fit Jacques, sans déguiser sa répugnance. « Bois, mon frère, bois! Le temps s'écoule, emportant parcelle à parcelle les lambeaux de l'existence, comme la bise emporte, une à une, les feuilles de l'érable. »« Mais à quoi bon ?»« Bois, ou frémis, l'esprit du mal est là qui te presse !» Moitié par frayeur, moitié pour complaire à la vipère grise, Jacques porta l'écuelle à ses lèvres. Mais à peine eut-il goûté à la potion bouillante qu'il laissa tomber à terre contenant et contenu avec une exclamation de douleur. « Maudite sorcière ! S'écria-t-il, j'ai la langue brûlée !» L'Iroquoise ne l'écoutait pas. Agenouillée devant le liquide répandu, elle suivait anxieusement les filets qu'il décrivait en serpentant sur le sol. Fin du chapitre 10 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 11 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11 Michabou, note, nom du premier esprit, ou grand lièvre, fin de la note. « Et propice !» dit subitement la vipère grise en bondissant. « Il m'inspire, il me pénètre, il me captive. Que désires-tu » « Je veux savoir si ma maîtresse me trompe, » répéta machinalement Bourgeot. « Ta maîtresse, la fille aux pâles couleurs, je l'aperçois. Elle est là, elle voltige comme le papillon. » « Elle en aime un autre. » « L'amour, la jalousie, l'intérêt conduisent les fils d'Atahensic. » « C'est elle qui a donné asile aux rebelles ?»« Rien n'échappe aux serviteurs d'Ouaïch. » « Mais qu'y a-t-il, Angèle ?»« La fille aux pâles couleurs est chérie de Jouskeka. Il la protège, il lui tresse une couronne de fleurs. À son bien-aimé, il présente le calumet de la paix. »« Ton langage m'assomme, je n'y comprends rien. »« Avance, » dit la vipère grise, « nous allons préparer la sagamité. » Et elle versa, dans la marmite, un pot de farine de maïs qu'elle remua pendant 5 minutes à l'aide d'une spatule en bois. Bourgeot la regardait toujours avec une curiosité mêlée d'effroi. Quand la bouillie fut assez épaissie, l'Iroquoise enleva la chaudière de dessus le brasier. « Mangeons !» Le jeune homme refusa de prendre part au festin. « Prends garde !» dit la vieille. « Taouiscaron se prononcera contre mon frère. » Note, Taouiscaron, esprit malfaisant. Il était fils d'Atahensic et tua son frère Soukeka. Cette tradition est identique à celle de Caïn et Abel, de même que la plupart des traditions cosmogoniques des sauvages ont une analogie frappante avec la tradition mosaïque. Fin de la note. Dis-moi si Angèle me trompe. La vierge aimée de mon frère est bien belle. Qu'est-ce que cela te fait ? La vierge aimée de mon frère est plus parfumée que la blanche grappe du merisier. Cesseras-tu tes phrases sans pied ni tête ? Angèle répond-elle à mon amour. L'amour est une étincelle jaillie de l'astre du jour. Satanée diablesse ! S'écria Bourgeot impatienté et s'élançant sur la vipère grise. Les chiens se ruèrent en hurlant contre l'audacieux, tandis que l'Iroquoise disait tranquillement. « Le grand esprit est plus fort que les visages pâles. Que mon frère daigne obéir à ses ordres. »« Mais parle donc !» L'Iroquoise allongea l'index en fermant les autres doigts, et les chiens s'éloignèrent. « Mon frère a un ennemi !» Alphonse Maigret. « L'ennemi de mon frère a séduit la vierge aux pâles couleurs. »« Il l'a séduite, dis-tu ?»« Ouaïch ne trompe jamais. » Sa parole est limpide et claire comme l'onde des sources. Et Alphonse Maigret, le chef de la rébellion, l'échappé de la prison de Montréal, c'est lui qui est maintenant chez Pierre Morlaix ? La devineresse était retournée près du cercle magique. « Que mon frère pose sa main sur cette poudre, » dit-elle, en indiquant à Bourgeot la poussière aux éclatantes couleurs. Le jeune homme obéit en silence. Sa main se dessina, en creux, dans la couche pulvérine, ainsi que toutes les lignes des phalanges et des muscles. « Que les esprits parlent !» dit la chiromancienne. et les deux lézards commencèrent à piétiner sur l'empreinte de la main, en rétrécissant, à chaque rotation, le fil qui les liait au pivot divinatoire. Pendant que ces reptiles accomplissaient leurs mouvements circulaires, la vipère grise avait bourré de pétins son calumet et fumait, enfoncée dans une profonde rêverie. « Mon frère, dit-elle à la fin, la fille aux couleurs pâles est aimée d'Arescui. Qu'ai-je à faire avec ton Arescui ? Ce qui est sera. Le lézard vert s'est arrêté en travers sur la ligne médiane. C'est un signe de mort. Mais, Angèle, la Vierge se conforme aux volontés suprêmes. Est-ce que le rebelle est chez Pierre Morlaix ? L'abeille se réfugie dans le calice embaumé pour y pomper un suc nourrissant. Que le diable t'emporte avec ton jargon auquel je n'entends rien. Le serpent rampe. Il atteint sa proie plus facilement que l'aigle qui fond sur elle. Va donc, à la faveur des ténèbres. Fin du chapitre 11 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 12 de la quatrième partie. La sorcière, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. La vipère grise parla longuement à l'oreille de Jacques Bourgeot, tantôt l'interrogeant, tantôt répondant à ses questions. Enfin, le jeune homme la quitta en lui promettant de revenir le lendemain. Il ne manqua pas à sa promesse, et durant plusieurs jours, de fréquentes entrevues eurent lieu entre l'amant d'Angèle et la sorcière iroquoise. À la suite de leur dernière rencontre, la vipère grise lui dit « Ouaïche m'est apparu, que mon frère soit satisfait. La vérité brille. Si mon frère se rend, cette nuit, dans la rue des Voltigeurs, près du wigwam de Pierre Morlaix, et si mon frère appelle trois fois « Au secours !», il saura ce qu'il veut savoir, si la Vierge aux pâles couleurs le trahit. » Fidèle à cette recommandation, Bourgeot, vers 2 heures du matin, caché dans l'embrasure d'une porte, lieu d'où il pouvait épier ce qui se passait chez le charretier, cria de toutes ses forces « Au secours !» C'est alors que l'imprudente Angèle se montra, comme nous l'avons dit, à la fenêtre de la chambre occupée par Alphonse Maigret. Fin du chapitre 12 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 1 de la cinquième partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. On a établi une différence entre le cœur et le cerveau. Traduisez esprit. Au premier, disent certains physiologistes, appartiennent les sensations naturelles. Au second, les sentiments étudiés. Tandis que Bichat, avec son effroyable science, définissait en trois mots le siège accepté de nos émotions et disait « le cœur, un muscle creux », Lord Byron méditait l'impressionnabilité unique et suprême du cerveau, « brains ». Si le français se posait en négateur des idées reçues, si l'anglais essayait de changer le trône de nos facultés, avait-il plus tort ou raison que le vieil Homère, s'écriant, par la bouche de l'un de ses héros, « Mon diaphragme vous aime !» Les progrès de la physique, mécanique, botanique, astronomie, chimie, pathologie et même de l'anatomie ont été considérables depuis un siècle. Mais cependant, on n'est point encore parvenu à déterminer l'organe réel des conceptions internes. Aussi acceptons-nous et accepterons-nous jusqu'à preuve du contraire l'antique tradition. Le cœur nous semblera jouer en nous un rôle passif, et le cerveau un rôle actif. Celui-ci produira, celui-ci recevra. En d'autres termes, nous pensons que le cœur est soumis au contrôle du cerveau. Les organes extérieurs transmettent la sensation au cerveau, qui la juge, l'apprécie et renvoie au cœur le résultat de son examen. Et tandis que ce dernier subit la secousse, l'autre en diminue ou affaiblit l'effet pour lui-même. De là naît cette sorte d'antagonisme dans notre nature. Le cœur est ou profondément ulcéré ou entièrement satisfait, alors que le cerveau nage dans un océan d'incertitude. Fin du chapitre 1 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 2 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Voilà certes des réflexions que Jacques Bourgeot ne se fit pas en apercevant le buste d'Angèle s'estompant dans la baie de la fenêtre, au milieu d'un nimbe de lumière projeté par la lampe. Mais ce qu'il n'analysa pas, il l'éprouva sur-le-champ, car, tandis que son cœur se serrait, douloureusement, son esprit cherchait encore à lutter contre l'évidence. Si, d'abord, il forma le projet de se rendre à la station de police, pour déceler la retraite d'Alphonse Maigret, il abandonna bientôt ce dessein dans la crainte de s'être laissé tromper par les apparences. Que le rebelle ne fût pas caché chez Pierre Morlaix, et, par sa déposition, Jacques se perdait dans l'esprit de celle qu'il aimait. Jamais elle ne lui pardonnerait d'avoir causé des tracasseries à une famille qu'elle chérissait au-delà de toute expression. Un résultat bien plus grave découlerait de la présence du prisonnier dans la maison du charretier. Pierre serait arrêté pour avoir prêté asile à l'évadé, et, très certainement, son appréhension élèverait une barrière infranchissable entre Angèle et l'auteur de la dénonciation. La jalousie, la rage, l'amour faisaient bouillonner le sang de Bourgeot. Incertain, fiévreux, il cherchait à coordonner ses idées quand une voix murmura à son oreille « Le serpent rampe, il atteint plus facilement sa proie que l'aigle qui fond dessus. » Fin du chapitre 2 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 3 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Jacques se retourna vivement. La vipère grise était devant lui. « Mon frère est-il convaincu de la vérité de mes réponses ?» dit l'Iroquoise, en montrant Angèle et la mère Morlaix, qui s'étaient aussi penchées à la fenêtre et s'enquéraient de la cause du cri qu'on avait entendu. « Tes réponses, » dit le jeune homme sans déguiser sa colère, « tes réponses, que m'ont-elles prouvé? Suis-je plus avancé maintenant que je l'étais avant ma visite à ta hutte? Crois-tu que je ne savais pas ce qui se passe ?»« La fureur est aveugle, » reprit sentencieusement la sorcière. « Si mon frère n'avait pas confiance en Manitou, pourquoi donc aussi mon frère accuse-t-il la vipère grise? Ne lui a-t-elle pas enseigné ce qu'il désirait connaître ?»« Soit. Mais que veux-tu à présent? Qui t'a permis de surveiller mes actions ?»« La fureur est aveugle, » répéta l'Iroquoise. « Elle empêche souvent les guerriers de surprendre leur ennemi. » « Est-ce là tout ce que tu avais à me dire ?» Les visages pâles aiment mieux parler qu'écouter. Pourtant, celui qui veut être fort et dominer les autres doit apprendre à se taire. S'il repousse les avis avant de les entendre, l'esprit des conseils s'éloignera de lui et la victoire ne marchera pas sur ses traces. « Éloignons-nous, » dit Jacques, « on nous observe. » Fin du chapitre 3 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 4 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. La nuit était si calme que, bien que ce colloque eût lieu à une assez grande distance de la maison du charretier, le son des voix avait éveillé l'attention d'Angèle. « Ferme le châssis, mon enfant, » dit la mère Morlaix, après un instant de silence. « C'est sans doute que feignant qui s'amuse à réveiller les voisins. »« Chut !» fit la jeune fille, posant le doigt sur ses lèvres pour avertir la vieille dame de se taire. « Je crois... »« Tu crois ?»« Attendez un instant. Je ne suis pas sûre. »« Ah ! Voilà la lune qui donne vers cette porte. »« Quelle porte ?»« Là-bas, la porte cochère de Monsieur Perrin. »« Petite folle, que veux-tu que je voie ?»« C'est qu'il me semble... » »« Eh ben, c'est une coureuse d'Enghien, » dit la vieille, distinguant le couple qui se serrait dans l'embrasure de la porte cochère. « Oui, » reprit Angèle d'un ton agité, « c'est une indienne, mais il y a un homme avec elle, et cet homme, si je ne me trompe, eh ben, c'est Jacques Bourgeot. »« Pas possible. Lui, Jacques Bourgeot, ton cavalier ?»« J'ai peur, » balbutia la jeune fille en frissonnant de tous ses membres. « Peur ?» Fin du chapitre 4 de la 5e partie, enregistrée par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 5 de la 5e partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Oui, ma mère, la présence de Jacques, ici, à 7 heures, en compagnie d'une sauvagesse, m'effraie. Tenez, ils partent ensemble. Seigneur Dieu, tu t'effarouches comme une tourte devant un Milan, et pour rien encore. Fermons le châssis, je vous en prie. Et allez réveiller Pierre, car je prévois de terribles maux. Cet homme, ce Bourgeot, oh, à présent je comprends sa conduite avec moi depuis 8 jours. Qu'est-ce que tu me chantes là? Oui, lui ordinairement si doux, si obéissant, il est devenu tout à coup sombre, aigre. Il m'a questionné, m'a menacé. Oui, oui, je comprends tout, tout maintenant. Mais dépêchez-vous, ma bonne mère. Dites à Pierre que je veux lui parler. Qu'y a-t-il donc ? Demanda le blessé, en s'accoudant sur son lit. « Qu'avez-vous, mademoiselle ? Votre visage est décomposé. »« Rien, je n'ai rien. Ne vous inquiétez pas, » balbutia la jeune fille, d'un ton qui démentait le sens de ses paroles. Cependant, essaya encore Alphonse, appréhendant quelque sinistre. L'arrivée de Pierre Morlaix, qui accourait à demi vêtu, coupa court à ce dialogue. « Ah, mon ami !» dit la jeune fille, entraînant le charretier dans un coin de l'appartement, « je crois qu'un grand malheur nous menace. » Fin du chapitre 5 de la 5e partie, enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 6 de la 5e partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Jacques avait emmené l'Iroquoise sur le glacis du Champ de Mars et discutait chaleureusement avec elle. « Allons, terminons-en, » s'écria-t-il. « Mon frère s'emporte comme l'original qui flaire la poudre du chasseur blanc. Mais les esprits veulent que l'homme brave marche régulièrement comme l'eau du grand fleuve. Que mon frère fasse à Michabou les présents nécessaires, et le rival de mon frère disparaîtra avant le lever du soleil. « Mais un meurtre !» murmura involontairement Bourgeot. « Un meurtre ! Oh ! Je ne puis consentir. » « Le visage pâle n'a pour ennemi que des visages pâles, » dit la vipère grise, enveloppant, suivant l'habitude des Indiens, sa pensée dans des généralités. « Notre conversation restera à jamais secrète. »« Le feu brûle, le poisson nage, l'Iroquois sait se taire quand il veut. »« Bon, » dit Jacques, avec une impatience fébrile, tandis que de grosses gouttes de sueur perlaient sur son visage. « Bon, je consens. Tu auras ce que tu exiges. » Fin du chapitre 6 de la 5e partie, enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 7 de la 5e partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Cependant, Pierre Morlaix, qui avait écouté avec une grande attention ce que lui communiquait Angèle à voix basse, fit tout à coup un geste de surprise. « Quoi ? Jacques Bourgeot ? S'écria-t-il. Es-tu ben certaine ? aussi certaine que je vous vois, je l'ai parfaitement reconnue. D'ailleurs, je ne saurais me méprendre. Le timbre de sa voix est trop particulier pour qu'on le confonde avec un autre. De fait, il a un tic dans le gosier, ce garçon-là, dit le charretier. Pourtant, rien ne prouve. Je vous répète qu'il médite quelque trahison. Croyez-en ma pénétration, mon bon Pierre. Depuis que ce pauvre jeune homme est ici, Jacques rôde sans cesse autour de la maison et... Batiscans. Note, baptême, bateau, batiscans sont les trois jurons favoris des Canadiens. Fin de la note. Je crée que t'as raison, ma fille, et que ce Flandrin nous mitonne du grabuge. Peut-être ben aussi que nous avons eu tort de nous embarquer dans cette mauvaise affaire, car les brigands de policemen ne plaisantent pas. Ah, Pierre, dit Angèle d'un ton de doux reproche. Pouvez-vous tenir un pareil langage, vous si brave, si généreux? Dame, écoute donc, si ce n'était que moi, je me ficherais pas mal de tous les policemen, comme de rien en tout. Mais toi, petite, toi, tu seras dans de beaux draps s'ils apprennent. Moi? Oh, n'ayez pas d'inquiétude. 2 heures, au moins, s'écouleront avant qu'il n'ait eu le temps d'avertir la police et faire signer le warrant, ainsi... Note. Warrant, mandat d'amener. Fin de la note. Oui, dit Morlaix en se frappant le front. Oui, j'approuve ton idée. Allons, je vais finir de m'habiller et atteler. Tu retourneras à ta chambre. Non, dit Angèle, retenant le charretier par la manche. Vous ne me comprenez pas. Il faut que vous restiez ici. Dans le cas où l'on opérerait une visite domiciliaire, votre absence susciterait des soupçons. Je n'y avais pas songé, c'est vrai. Mais qui veux-tu qu'il charrie? Moi, répondit vivement la jeune fille. Ah bon, t'as de l'esprit comme un ange. Je te donnerai la grise. Elle est douce et fameuse trotteuse. N'y a plus qu'à l'harnacher, n'est-ce pas? Angèle répliqua affirmativement par un signe de tête, et Pierre courut à son écurie. Fin du chapitre 7 de la 5e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 8 de la 5e partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Durant ce dialogue, la mère Morlaix avait fait chauffer un bouillon pour le malade. « Buvez, » dit-elle en lui présentant une tasse pleine du consommé. « Buvez, ça vous ravigotera. »« Merci, ma bonne dame, » répondit Alphonse, repoussant doucement la tasse. « Je n'ai point soif. »« Il faut boire, monsieur, » ajouta Angèle, qui s'était approchée du lit. « Car vous avez besoin de gagner des forces. Nous allons faire un petit voyage. »« Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu bavasses là, ma fille ?» s'écria la vieille, au comble de la surprise. J'appréhende, ma mère, que la retraite de M. Maigret ait été découverte, et, de peur d'accident, je suis convenue avec Pierre de mener notre blessé en lieu plus sûr. Mademoiselle, balbutia Alphonse. Point d'observation, monsieur, nous n'avons pas un moment à perdre. Buvez ce bouillon, puis ma mère vous aidera à vous vêtir, tandis que j'irai prendre ma mante. Mais il n'est pas capable de se tenir des bouts, ce pauvre jeune homme, dit la vieille femme. « Où ce que tu veux donc qu'il se retire à cette heure ?»« À la Côte des Neiges. »« Ah, chez Monsieur Jobinet ?»« Oui, oui, » reprit Angèle, « hâtons-nous. Voyez, il est près de 3 heures à l'horloge. Nous devons nous dépêcher pour arriver avant le grand jour. » Après ces mots, elle sortit, et la mère Morlaix ayant pris, dans une armoire, l'habillement des dimanches de son fils, en eut bientôt revêtu l'intéressant malade. Fin du chapitre 8 de la 5e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 9 de la 5e partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Malgré son extrême débilité, Alphonse put descendre dans la cour, appuyé au bras du charretier. Inutile de rapporter les expressions de remerciement dont il gratifia ses dignes hôtes avant de monter en voiture. On sait assez que le cœur de notre ami était un foyer de gratitude pour qu'il nous soit permis de passer sous silence les protestations de reconnaissance qu'il leur adressa. « En route et bonne chance, dit Pierre en lui serrant la main. Déjà, la grise hennissait et creusait le sol de son sabot, impatiente de dévorer l'espace. Angèle s'élança lestement dans la calèche, dès qu'on y eut placé son cher malade. À cet instant, un bruit de pas lointain se fit entendre. « Vite, vite !» fit Pierre. « Prends par la rue Sainte-Catherine et la rue Saint-Laurent. »« N'oubliez pas, » dit la jeune fille, « de faire disparaître de la chambre tout ce qui indiquerait sa récente occupation. » Bien, marche, et que Dieu vous protège. Fin du chapitre 9 de la 5e partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 10 de la 5e partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Celui qui se réveille à la suite d'une violente maladie et se trouve transporté dans un appartement qu'il n'a jamais vu, en tête-à-tête avec une jeune fille inconnue, mais ravissante, étrangère mais empressée, mais attentive comme une sœur, celui-là s'imagine être le jouet d'un rêve et longtemps refuse de croire à la réalité. Puis, insensiblement, à mesure que ses sens s'ouvrent à la lumière, il repasse ses souvenirs, compare son passé avec son présent, et s'il est jeune, s'il est libre, il supplie l'être suprême de prolonger l'état de souffrance qui lui vaut un pareil bonheur. Ce n'est que lorsqu'il est endolori et affaibli par des peines physiques ou morales que l'homme apprécie la femme à sa juste valeur. Tant qu'il est valide et heureux, il considère assez généralement l'autre partie du genre humain comme inférieure à lui. Mais vienne la maladie, les tribulations, l'homme préfère la société de la femme à celle de l'homme, parce que la femme a toujours à sa disposition des trésors de tendresse, des délicatesses de prévoyance que les hommes ne possèdent pas. De son côté, la femme, auprès d'un valétudinaire, semble abandonner la faiblesse ordinaire à ses semblables pour grandir en raison de la défaillance de l'homme. Elle est fière de la supériorité que, temporairement, elle exerce sur lui. Elle se figure presque, en ramenant un homme dans le sentier de l'espérance ou de la vie, faire de lui un personnage nouveau dont elle est la créatrice. Ne soyons donc pas étonnés si un amour réciproque finit fréquemment par embraser celui qui reçoit les soins et celle qui les donne. Chez tous deux, cet amour est le fruit de l'égoïsme. Égoïsme de la reconnaissance chez le premier, égoïsme de l'artiste chez l'autre. Fin du chapitre 10 de la 5e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 11 de la 5e partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. Angèle manégeait parfaitement un cheval. Façonnée par sa main, la grise emportait son léger véhicule avec une rapidité aérienne, et, en quelques minutes, les dernières maisons de Montréal disparurent dans les brumes de la nuit. La chaleur avait été intense pendant toute la journée précédente, et un orage, chassé par le vent à l'heure du crépuscule, rassemblait alors ses nuées vers l'Orient. Nulle brise ne faisait frissonner les feuilles des arbres, nul oiseau matinal ne saluait de son ramage l'approche de l'aurore, mais, du Saint-Laurent, s'élevaient des vapeurs blanchâtres, et de fréquents éclairs lacéraient les limites de l'horizon. Plongé dans une sorte d'abattement fiévreux, Alphonse Maigret restait insensible aux menaces de la nature. Il se pensait le héros d'un des contes d'Hoffmann. Angèle, agitée par mille émotions diverses, restait muette. L'un et l'autre, néanmoins, se sentaient nager sur un océan de félicité que troublait à peine l'imminence des périls dont ils étaient environnés. Le jeune homme jouissait du présent sans définir la béatitude qui l'inondait. La jeune fille jouissait de l'avenir sans en distinguer les couleurs. Elle naissait à la vie en naissant à l'amour. Être aimée de lui, tel était désormais l'unique désir d'Angèle. Et lui l'aimait, Angèle le savait. Les regards d'Alphonse, le tremblement de sa main dans la sienne, ne lui avait-il pas prouvé qu'elle était payée de retour? Quand on aime sincèrement pour la première fois, on se demande comment l'on a pu exister auparavant sans amour. Puis, l'on s'abandonne à la joie, et le vide du cœur fait place à une suave ivresse dont la mort seule peut éteindre le souvenir. Fin du chapitre 11 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en janvier 2011.